Bienvenue dans la fucking kermesse. Bonsoir et bienvenue dans la fucking kermesse. On aurait aussi pu s'appeler les Serbes Berbères car Zaza est de retour. Oui. Ouais. Pour qu'on vous japonais hein, bien sûr, mais on préfère la vache qui s'arakiri. Oui, c'est génial, wow. La triple blague, la blague à baldaquin. Et non, bonsoir à toi Steven, ça va? Salut, ça va? Non, ça va pas. Ça fait 3 heures qu'on essaie d'enregistrer et que ça c'est ne marche pas. C'est vrai que c'était un peu long. Bonsoir Zaza, de retour. Bonsoir. Alors dis-moi en arabe. Aslema. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour, bonsoir. Très bien. Ah, y a pas de bonjour, bonsoir. C'est vraiment un peuple assez arriéré dans la politesse. Eh, oh. Alors, on a aussi un invité qui est content d'être là, du coup, puisqu'on parle de trucs racistes. C'est salut. Doui. Salut Doui, du podcast Yata et du podcast Léo Parleur. C'est vrai, c'est vrai. Parce que Yata, c'est fini. Maintenant, c'est le renouveau, le podcast tout seul. Ça se passe bien. Ça c'est va bien. C'est un peu comme la masturbation. Ça change de l'orgie, quoi. C'est beau. C'est beau comme comparaison. Alors, ce soir, on parle de quoi? On parle du sexe au Japon. Incroyable, ce pays étrange, hein, le pays du soleil levant. Et des gens couchants, voilà. donc on va parler de tout ce qui se passe là-bas. On a des axes super bien préparés. Avant ça, il y a un roule plateau. Il y a le temps pour ça aussi. Il y a la chronique de Steven qui fait un instant français. Et car oui, vu que c'est un podcast sur le Japon, première un instant français dans la FK. Instant français. Eh bien oui. Voilà, n'est-ce pas? Zaza fera une chronique juridique. Oui, de retour. Moi, la dernière fois c'était pendant la FK 3. Voilà, la ça dernière fois c'était hein. C'est bien ça. Donc c'était donc quelque chose de très régulier. Voilà. Voilà, exactement. Tous les 12 podcasts exactement. Ensuite, il y aura un quiz de ma part et voilà, peut-être une petite chanson à la fin si vous êtes chaste, si vous êtes chaste. Voilà. Et si ça j'arrive à écrire la VP pendant l'émission, il y aura une VP. Ah oui, parce que Steven est un peu à la bourre. Voilà. Donc on fait quoi? Est-ce qu'il y a des choses à dire pour la fucking kermesse? J'ai pas mes notes parce que je me suis perdu. Fallait dire des choses ou pas? Ça m'avait manqué cette préparation. Alors déjà, on voulait faire un petit bisou aux gens de PodCloud et de PodRadio qui ont fait leur annuel 27-24. Et 27 heures de live du coup. 27 heures de live en podcast. Les mecs sont chauds. Donc il y a eu les PodRadio Podcast Awards. Je crois que tu as participé, Louis. Oui. Et alors? C'était parfait. C'est pas très bien. Non, j'ai fait troisième de ma catégorie. D'accord, c'était quoi comme félicitations? C'était, je sais même plus. D'accord. Attends, j'ai les trucs. Okay, vas-y, ça marche. Meuble pendant ce alors, temps. Alors, comme on a dit. En attendant, on voulait les remercier pour leur petite parodie de la fucking kermesse. Ils ont fait un petit segment parodique. Ouais. Comment ça s'appelait? La Flushing Garden, je crois, de souvenirs. Mais très bien, ils ont fait donc une parodie. Donc, on sait tous que la parodie est l'hommage le plus flatteur. C'est pas ça la citation, mais vous avez compris. Bon. En tout cas, ils ont fait une parodie. Et ils ont traité ce que nous n'avons jamais traité. Les cheat codes. Voilà. Comme ça, on n'a plus besoin de le faire. Ça se respecte. Bon, moi, j'ai un peu le seum parce que je suis arrivé sur le chat parce que je trouvais ça sympathique. Et au bout de 10 secondes, je me suis fait virer pour flood. Donc, j'ai trouvé ça un peu moche, mais bon. Comme dans la vraie vie. C'est ça. Alors, attends, j'ai fini 3ème de ma catégorie à seulement 8 voix du 2ème. Ça, c'est pas mal. Bravo à toi. Ah, merci. Pour Léo Parleur que vous pouvez écouter. Voilà. D'où il parle de ça. C'est de la merde. Et sinon, bah voilà, on avait que ça à dire, c'est bon? Bah, il me semble. Ouais, non, si. Zaza vient de revenir. Là, tu passes comme ça, comme si c'était normal. Zaza est là. C'est ça vrai que Zaza. Qu'il est pas là. Zaza, ça fait quoi de rentrer en France parmi les presque tiens? Bah, c'est difficile parce que je rentre un peu. De manière légale peu... De manière légale, oui, mais la queue entre les jambes. Non, on est fatigué. 3 heures de préparation, on n'en peut plus. On est déjà au bout. Qu'est-ce que je disais, moi? Tu disais alors, que t'avais la queue entre les jambes. Tu as vécu en Tunisie pendant quelques mois. Tu vas y retourner dès lundi. Voilà, bah, et... j'essaye de monter un projet d'économie participative, donc c'est avec Kickstarter, mais pour les jeunes vierges en fait, donc c'est-à-dire tu peux les louer à la journée, c'est plutôt sympathique, ça surfe sur les Airbnb et compagnie, voilà, sauf que on a un problème de supply. Est-ce qu'il y a des limites d'âge? Non, il n'y a pas de limite d'âge, c'est ça qui est génial. Ah oui, donc c'est dès la naissance. T'as un hymen, on t'accueille sans peine, c'est notre logo. D'accord. Non, mais je sais pas au niveau de voilà, au niveau du matériel fourni. Quel est ton tarif? Ah non, c'est à elle que tu mets le tarif. Il faut remettre les bon, choses à leur allez, place. Allez, c'est pas ça. Merci pour cette introduction. Merci beaucoup, Zaza. C'est voilà, on est content que tu sois revenu. Bah, moi, je suis content d'être là. Le les mec gars. A un carnet de voyage rempli. Il a fait des choses folles. Et du coup, bah, on va commencer gentiment parce que là, on est déjà perdu dans l'émission. Et donc, on passe du coup sans plus attendre au roule plateau. Donc c'est l'émission la plus bordélique qu'on ait jamais fait, c'est génial, ça fait que 5 minutes qu'on enregistre, on a déjà envie d'arrêter. Alors le roule plateau qui va commencer, c'est Doui l'invité. Oh merde. Alors, je voyais que tu étais pas dedans, donc j'aime bien. C'est vrai. Je n'ai... les gens qui Alors, sont pas dedans. Il faut savoir que je n'ai absolument aucune note sur mon rôle plateau. Attention. Parce que sans filet, j'aime bien ça. Parce que je voulais parler d'un jeu indé que je pratique très régulièrement. C'est un jeu en dimension. C'est un jeu. Je voulais parler d'un jeu d'Edmund Macmillan qui est sur PC, sur Mac, sur Vita, sur PS4 pour l'instant. Et très bien. Donc total, ce jeu sera bientôt sur 3DS, Wii U et 360. Je crois que Xbox Nintendo n'a pas voulu qu'il soit dessus. Enfin, alors, a, jeu, aux États-Unis, c'est passé. Donc, si donc c'est, le jeu, c'est The Binding of Isaac. Wow. Rebirth, puisque je joue à Rebirth. Un jeu mais, qui est assez connu, qui est sorti il y a 2-3 ans. Et là, il y a une nouvelle version qui là, sort. Là, le Rebirth est sorti le 4 novembre, parce que c'est mon anniversaire. Et, il est sorti le 4 novembre. Oui, il y a est sorti. Un an, quoi. Le Rebirth, hein, ouais. Et, mais le normal, avec l'extension, coûte quelques euros. 2-3 euros, pas plus. Le but du jeu, c'est un petit garçon, Isaac, qui essaie d'échapper à sa mère qui veut le tuer. Sa mère entend une voix divine qui lui dit ah, ton fils c'est une merde, il est possédé par le démon, tue-le. Donc du coup elle, bien entendu, comme elle est particulièrement intelligente, elle veut le tuer. Non, mais elle regarde les télévangélistes et tout, oui, c'est voilà. Assez c'est quand même un jeu glauque. Ouais, c'est un jeu qui est vraiment très décalé au niveau du ton. C'est présenté en vue de dessus, me trompe-je? Non, c'est ça. Voilà, un peu comme Zelda 2 genre sur NES. C'est ça. Et en fait, vous passez de pièce en pièce pour tuer les ennemis, donc ils ont une certaine pattern, etc., qu'il faut mémoriser pour arriver à ne pas mourir comme une merde. Et donc, c'est de la plateforme. C'est pas du tout. C'est vraiment un roguelike où tu dois tuer tes ennemis avec des larmes. Ouais, et selon les objets, tes larmes en projectiles. Genre, tu pleures et du coup, ça va vers les ennemis. Ouais. Ah ouais. Et selon les objets que tu prends, ça modifie ton personnage. Donc il va tirer ou plus fort ou plus machin ou de manière différente. Et des fois il y a des trucs. Mais c'est qui... super glauque, les murs sont remplis de caca, il y a ah des oui, fœtus morts. Mort, ouais, et les objets, c'est genre. Là-dedans. Le cancer, c'est un truc qui double tes larmes et donc qui est un objet bénéfique. Tu peux aussi porter comme... les escarpins de maman et faire oui. plus de dommages ou le oui, string, en fait, etc. Le... Ouais. Enfin, non, c'est vraiment très très bien. Et donc le jeu en soi, c'est descendre d'étage en étage pour arriver à lui échapper. Donc au début, vous êtes dans le basement. Dans l'utérus de ta mère, quand c'est même. C'est ça. Donc après avoir tué son pied, qui est un pied magnifique, hein, avec des vergetures partout, des glaces. Sans une pointe de fétichisme. C'est ça, effectivement, je pratique également ça. Escarpins évidemment. Oh, arrête. On a dit pas les collants. Et donc voilà. Et donc, total, vous devez échapper à maman et donc aller dans son utérus, après battre Isaac et puis après battre le Blue Baby qui est votre âme maléfique en gros. Et donc voilà, le jeu d'une durée de vie de 3 quarts d'heure à peu près quand vous êtes une merde. 3 quarts d'heure pour le perfect run, mais tu peux passer 2 ans à pas finir le jeu. Oui, voilà. Mais voilà, normalement, pendant 20 heures, vous faites bourrer le fion, faut être très très clair. C'est un jeu qui est assez difficile. C'est un samedi soir typique quoi. C'est ça. C'est exactement ça. 20h à se faire bourrer le fion, c'est ça. Après, bon, moi je sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas. On m'a dit non, voilà. Ça arrive, tu vas bientôt savoir. Et le fait est que voilà, c'est un très très bon jeu. The Binding of Isaac Rebirth c'est sorti à 10 balles, je crois, quand il est sorti. Et maintenant il doit être à une quinzaine d'euros. Bah, dès qu'il y a des soldes, il sera ouais, à 5 balles. Ouais, le solde hein, Steam. Et il les vaut. Oui. Là, il y a la. Donc, je voulais en parler parce qu'il y a Afterbirth qui est la prochaine extension qui est proposée en préco. Afterbirth, ça veut dire placenta, hein, on est d'accord. Je sais pas. Je crois, ouais. Ouais, je crois que Afterbirth c'est ah ouais, peut-être. Sympa. Ouais. Ah ouais, je sais pas. Ouais, mais tu sais, c'est vraiment. Le jeu est dégueulasse. Ouais, le jeu est particulièrement. Décalé, c'est un truc, c'est effectivement pour décalé, ça que ça risquait décalé de... Décalé pour moi, genre les Robins des Bois c'est décalé, là c'est juste dégueulasse tu vois. Ouais, enfin bon bref. Et donc c'est un jeu qui est très très bien, qui est assez difficile mais qui vaut le coup. Et Afterbirth donc est dispo en précommande et comme par hasard il est en précommande à un prix baissé à 6,66€ comme par hasard. C'est donné. Non mais 6,66€ pour 666 évidemment. Putain, le mec il est sponso quoi. Non mais voilà, donc non, le pire c'est que je l'ai précommandé, je l'ai offert à un pote qui m'avait offert The Binding of Isaac Rebirth. Donc voilà, je vous recommande d'acheter The Binding of Isaac, c'est un excellent jeu voilà, qui vaut largement. Pour moi j'achèterais une PSP avec pour ce jeu là. Voilà. Je suis d'accord, très bien. Y a que nous qui avons joué, c'est fou ça quand même, assez vieux comme jeu. Moi j'avais vu des vidéos mais moi, j'ai joué. Ah ouais, t'as bien aimé Steven. Mais c'est toi qui me l'avais offert ou je sais pas quoi. Hein. Peut-être. T'avais acheté un bundle ou un truc. Et c'était bien. Ça va, c'était bien. J'ai joué 12 minutes donc. Très bien, merci. Du coup, on va passer au rôle plateau de Steven. Très bien. Alors, moi je n'ai pas de notes, mais j'ai Wikipédia. C'est encore mieux. Et bah, c'est génial. De plus en mieux l'émission. Je vais parler d'un film que j'ai vu récemment. Sartek le podcast. Hard Day. Qu'est-ce que t'as ? Sartek le podcast, je disais, c'est tout. Ok. Qui s'appelle Hard Day, qui est une comédie policière de Kim Seong-hoon. Qui était sorti en 2014. C'est le Police Academy coréen, je connais. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'histoire, c'est. On commence avec un jeune flic qui renverse un mec et qui, bon, bah, du coup, il faut cacher le corps et il décide de le cacher dans le cercueil de sa mère qui vient de décéder. D'accord. Très axé sur les mamans ce soir, bien sûr. C'est ça. Et. On va faire une FK sur les mamans. Donc voilà, il arrive. Il arrive à enterrer ce corps, mais quelqu'un le fait chanter. et un autre policier le fait chanter. Et donc, alors, c'est classé comme comédie policière. C'est pas spécialement. C'est pas un flic à Beverly Hills non plus. Comme, pardon. C'est pas non plus un flic à Beverly Hills. Voilà, quoi. C'est ça. Et ouais, mec, j'ai caché le corps dans le cadavre. Non, mais de folie. C'est vrai que en général. J'ai caché le cadavre dans le sac de ma mère. T'inquiète, mec. C'est tout bénef. En général, dans le cinéma coréen, on avait déjà eu l'occasion d'en parler. C'est vrai que les genres sont moins définis que chez nous. Ouais. C'est plus perméable. C'est plus on perméable. On en parlait dans The Host, notamment. Ouais. Alors, toi, je sais que ça t'amuse pas trop, ce mélange des genres. Non, pas quand on a toujours trop de chaises. Mais là, exactement. Parce que c'est un peu ta vie de tous les jours, vu que tu... un gros oui, cul. Bon, ok. C'est super. Et donc là, on est vraiment dans ce type de... où c'est classé comme comédie, il y a des éléments comiques, mais c'est pas comique de part en part. C'est pas comique de part en part. Mais je t'emmerde, putain. Qu'est-ce que t'as contre comique de part en part? Bah, continue. Non, bah, c'est tout, j'ai fini. Donc, ça m'arrangeait en fait que tu rebondisses. Comique de part en part, voilà. Donc, non, mais je conseille ce film et spécialement à Zaza qui va voir que on peut faire des genres perméables en faisant un truc qui se tient. Et moi, ce cinéma coréen me plaît justement pour cet échange entre les genres parce que j'en ai marre de voir des trucs stéréotypés. Ouais, mais t'estimais déjà que The Host était un truc qui se tenait. Et moi, ça m'a pas plu. Donc, qui se tenait. Qu'est-ce que oui, ça apporte de plus? Mais regarde-le et reparlons-en. Voilà, ça a rien à voir avec The Host. Juste, la seule caractéristique en commun, c'est coréen et des genres qui se mélangent, c'est tout. C'est déjà trop. Bon bah, genre ça, tu parles un peu trop et tu fais un peu trop le fanfaron et t'es pas assez comique de part en part, donc tu vas parler. Et je vois là qu'il a été sélectionné dans la quinzaine des réalisateurs. T'as arrêté de parler maintenant. Du Festival de Cannes en 2014 et ça participe de ce renouveau du cinéma coréen qui commence à être reconnu chez nous. Donc regardez-le et fermez vos gueules. Et Zaza, je ferme ma gueule et j'enchaîne sur mon roule plateau du coup. Exactement. Ah, t'es obligé. Alors mon roule plateau, je sais pas si vous êtes au courant, il y avait eu pas mal d'articles. Non, pas du tout. D'accord. Il y a eu pas mal d'articles. Non, me tripote pas s'il te plaît. Il y a eu pas mal d'articles sur ce truc qui a été sorti donc il y a pas longtemps. C'est un jeu, un petit jeu indé, moi aussi, qui s'appelle Passengers, un jeu créé par François Alliot et Arnaud Deboc. C'est un truc sur les réfugiés ou pas du tout? Et exactement. Sorti il y a quelques mois. Donc c'est un jeu en 8 bits qui est disponible sur le site ludumdare.com. Ah, Ludumdare, c'est très connu Ludumdare. C'est des concours pour faire des jeux vidéo en un week-end. Voilà, c'est comme les Game Jam. Et donc là, le concours était intitulé « You are the monster ». Donc, en fait, du coup, les mecs sortent un jeu où tu es... Tu es le monstre, c'est ça? Tu es le monstre, tu es en fait un passeur qui va devoir faire passer des réfugiés de différentes zones de l'Afrique pour arriver jusqu'en Europe. Et donc, en fait, c'est un jeu en 8 bits qui se... Tu fais du Tetris avec des corps ou pas? Pour les mettre dans le bateau? Alors, quasiment. Donc, en fait, ça passe par écran. Donc, au début, tu choisis ta destination en fonction de la surveillance. Genre, mais c'est un vrai jeu, j'ai cru que c'était une connerie, moi. Non, c'est un vrai jeu. Oh merde, c'est absolument que je joue à ça. Tu choisis ta destination, donc tu peux aller à Chypre, la surveillance elle est moyenne, en Grèce elle est moyenne, en Espagne un peu plus, et en Italie c'est la merde, quoi. Donc voilà, donc après tu choisis le montant du bakchiche que tu veux mettre pour prendre un minimum de risque, genre payer tes autorités. Le type de bateau, tu peux y aller en yacht si t'as vraiment de la thune, ou en vieille barque, ou sur un baril. Et après, en fait, t'as les migrants qui défilent avec leur histoire, genre « Bonjour, je suis Fatima, j'ai perdu une jambe et un chat, est-ce que vous voulez me prendre ?» Et toi, tu peux la faire chanter pour gagner plus ou moins d'argent, et après, tu peux c'est lui dire « Non, horrible. Tu t'en vas. » Je trouve ça génial. C'est voilà, horrible. « Bonjour, je suis José, je suis paysan, mais j'ai cramé toute ma récolte et ma femme m'a violée. » Oh mon dieu, c'est un vrai jeu. Voilà, c'est très sympa. Oh putain, la alors, vache. Est-ce que ça participe de ces jeux indé qui dénonce un peu des trucs? Ah oui, complètement. Type Prison Architect ou Paper Please. Ouais, voilà, Paper Please. Ah, Paper Please, c'est un classique. Bah justement, voilà, du coup c'est exactement ça, c'était pour j'ai lu une interview des mecs et c'était vraiment pour dénoncer ce truc là pour se mettre et dans la peau des mecs. Est-ce que ça sent dans le jeu? Parce que genre Prison Architect, tu le sens vraiment c'est pas un jeu purement ludique quoi. Tu sens que les mecs ils ont un message à te faire passer. Est-ce que ça se sent dans ton jeu de... En fait, moi ce dont je me suis rendu compte, c'est que je suis allé sur le jeu comme ça, tu vois, genre on va dire l'esprit vide, comme souvent. Je te devance Tavro, hein, tu m'excuses. Mais du coup, en fait, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, t'es en train d'essayer de maximiser le potentiel de thunes et que du coup, t'en as rien à foutre des histoires des mecs. T'es juste en train de prendre ceux que tu peux blackmail le plus et avec qui tu peux récupérer le plus de thunes. Welcome to the real world. Voilà, et c'est ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à tilter, tu vois que j'avais aucun intérêt à écouter l'histoire des mecs et j'avais juste intérêt à maximiser la thune que je pouvais tirer de chacun indépendamment de leur histoire, tu vois. Donc la meuf qui avait une histoire super déprimante, je m'en battais les couilles. Voilà, et donc c'est à ce moment-là que je trouvais que le jeu intelligent, parce que si tu prends le temps de faire la pause et de te poser cette question, t'es là, ah ouais, merde, en fait je suis devenu un espèce d'énorme enculé, quoi. Ouais. Pourquoi se la poser? Les gens, c'est de la merde. Merci Louis, bien sûr, c'est un invité, on ne le connaît pas évidemment. Hein. Voilà donc un. On le dénoncera aux autorités policières. Deux bons jeux et un film, vous avez de quoi faire. Moi je n'ai pas de plateau et je vous emmerde. Saloperie. Sérieux là ? Oui, oui, j'ai pas envie. Voilà. T'es un bâtard. Bah non, mais la raclette s'est ouverte, allez manger de la raclette, la saison a commencé le 1er septembre. J'en ai mangé une à Grenoble. C'était dans la, chez la ferme à Dédé, c'était très bon. Je recommande hein, c'est sympathique. C'est ah, pas, peut-être pas assez copieux mais tu peux demander plus de patates si tu veux, donc c'est cool ça. Voilà. Bah oui, bref. Donc voilà, faisons de la raclette, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. C'est très bien. Donc on va pouvoir entamer le thème de l'émission, celui qui nous réunit, celui qui fait que Douy s'est déplacé, a attendu 3 heures pour qu'on commence le podcast, le sexe au Japon. C'est maintenant. Ok, on commence avec la rubrique nouvelle de Steven qui s'est décarcassé pour nous. C'est l'instant français, puisque là c'est l'émission sur le Japon avec un instant français, alors que normalement on fait un instant japonais dans une émission française. Voilà, vous avez tout compris. Allez, c'est maintenant, j'arrête de parler. Vous êtes très... très français, en fin de compte. Merci. Mes chers compatriotes. Bonsoir. Alors quand je dis mes chers compatriotes, je parle autant des Français dits de souche qu'aux nouveaux venus de Syrie et d'ailleurs, à qui je souhaite la bienvenue. J'en profite pour indiquer aux Français qui se disent de souche que s'ils ont des photos de leur grand-mère avec les cheveux rasés, c'est qu'ils sont peut-être pas si de souche qu'ils ne le pensent et qu'ils sont peut-être plus des Français de Schulz. Mes chers compatriotes, disais-je, vous êtes présentement en train d'écouter une émission où une équipe de mâles cisgenres hétérosexuels occidentaux, c'est-à-dire un tiercé dans tous les ordres selon Omar Sharif et Judith Butler, de mâles cisgenres machin machin, disais-je, qui viennent vous parler de la place des femmes dans les, représentations d'un, sexuelles d'un pays qu'ils seraient à peine placés sur une carte. Les bons Français normaux que nous sommes, sauf pour Stavro qui sous tout rapport et surtout sexuel ne peut être qualifié de normal, disons plutôt les Français moyens, car sous tout rapport et surtout sexuel, Stavro peut être qualifié de moyen. Putain, et je le sais de source sûre parce que c'est sa mère qui me l'a dit. Les bons Français moyens que nous sommes vont bon train à critiquer l'évolution tentaculaire de nos amis nippons, alors même qu'une vague étrange tend à répandre ses fantasmes jusqu'en France, chez les otakus, les fameux Français de sushi. Oh là là. Je suis désolé. Notre sexualité à nous, Français, est-elle si propre que ça? Ne pourrait-on pas faire une FK sur la sexualité française? Je veux dire qu'il y en a quand même un autour de la table qui regarde du porno juste pour s'amuser. Coucou ouais, Stavro. C'est ça, c'est chaud pour... ah. Non. Un autre qui connaît mieux Katsuni que sa propre mère. Coucou Zassa. Et un dernier qui dispose des œuvres complètes du Marquis de Sade dans 3 éditions différentes. Coucou la Steven. France, disais-je. Non, pas disais-je. La France, ce beau pays. Alors quand je dis ce beau pays, je ne parle pas de toutes les régions, mais j'embrasse quand même nos auditeurs lillois. La France, disais-je, dispose de traditions sexuelles étranges, voire choquantes. Ah, bah en fait, je parlais bien de toutes les régions. Mais ce n'est pas des perversions sexuelles dans le Nord dont je vais parler, parce que j'aimerais que cette chronique s'arrête avant la fin de l'émission. Mais je vais parler d'une ville, d'une région. Que dis-je une région? C'est un pays entier, je vais parler de Paris, et plus précisément de la gare du Nord. Ah, c'est oh là vrai que... Zassa a habité très longtemps, hein, sachez-le. C'est vrai. Mais commençons par un doigt d'argot, car c'est du joli terme de soupeur dont je vais vous entretenir. Les plus aguerris d'entre vous, et les plus pervers aussi, savent déjà de quoi je parle. Et je sais qu'il y en a parce que souvent, les Français se touchent. Non mais le pire, c'est que cette semaine, j'ai eu une discussion sur les soupeurs au boulot, quoi. Ah bah voilà, tu fais partie de ceux qui savent. Pour les autres vierges effarouchées, et pour oui. Stavro qui croit connaître la sexualité après avoir écumer le fast-food sexuel qu'est l'internet 2.0, oui. Sachez que ce terme de soupeur reçoit deux définitions, les deux ayant trait à des pratiques sexuelles que les psychanalystes de tout poil nommeront perversion ou paraphilie, comme à peu près toute sexualité, et pas que, et que pour ma part, je nommerai des hommes de goût. Vous allez voir que, pour une fois, le mot de goût prend toute sa dimension. Le premier sens du terme soupeur désigne des individus que je nommerai des Français de croûte, et que l'on nomme habituellement des croûtenards. Ce sont ces individus sympathiques que j'ai découverts à la lecture du merveilleux roman « Mort à crédit » de Louis-Ferdinand Céline, aussi nommé « Le citoyen français des touches ». J'avais aussi une blague avec Schulz, mais je l'ai déjà faite. Laissez-moi, comme Lucchini, vous citer ces lignes de tête en lisant mes notes. Je cite. « Il y avait des lopailles trop vertes déjà pour aller au bois, et même un petit qui revenait tous les jours. Son truc, c'était les pissotières et surtout les croûtes de pain qui trempent dans les grilles. Il racontait ses aventures. » Il connaissait un vieux juif qui était amateur passionné, un charcutier rue des archives. Ils allaient dévorer ensemble et un jour, ils se sont fait poisser. Céline nous décrit une réalité de l'époque bien connue, surtout Gare du Nord. Les termes de Céline, trop empreints de poésie, demandent une explication. Les soupeurs de premier rang sont donc ces personnes qui laissent des petits bouts de pain dans les urinoirs quelque temps avant de venir s'en délecter. Putain, c'est génial. C'est très beau, c'est que tu arrives à dire ça avec des jolis mots. T'as eu ? Des petits poussets de l'urine, en somme. On les appelle, ils sont soupeurs sans reproche. C'est ça. Et si Jésus multipliait les pains, eux savent les assaisonner. Tu m'as donné ta pisse, j'ai fait du pain perdu, comme aurait pu dire Baudelaire. Je vous laisse apprendre les meilleures techniques sur le blog http://super.canalblog.com qui donne véritablement des techniques photo à la pluie pour souper le mieux du monde. Et ceci existe pour de vrai. Alors accrochez-vous pour le second type de soupeur que je nommerai des Français de foutre, car je n'arrive pas à trouver de litote correcte pour les décrire. Vous ne serez pas contre un second doigt d'argot. Si les premiers étaient des croûtenards, eux, comme on le disait autrefois, faisaient dinette. Je viens d'aller vérifier, le site existe. Donc pour vous expliquer ces gens qui font dinette, ces soupeurs de seconde catégorie. Voilà, de seconde catégorie, j'ai fait un petit poème. Ah, il y a des pieds, On a Alessandra, hein. Ah. Ah, bah, on fait les choses bien ici. À l'époque, mon bonhomme, où la France était belle, à l'époque, ma bonne dame, où il y avait des bordels, certains soupeurs au soir allaient voir les championnes pour goûter au nectar que d'autres abandonnent. Oh. Au sein des putérelles, tout proche de leurs rondelles, foutre rétrocédé au sein de ces madones. Alors comme vous l'aurez compris... Bravo, bravo. Merci bien. Comme vous l'aurez compris, ces soupeurs se rendaient au bordel pour se sustenter de ce que les autres clients avaient oublié. Comme quoi les Restos du Cœur, ça existe depuis un moment. La soupe populaire, on appelle ça. Oh. Ouais, c'est ça. La dinette nous montre que rien ne se perd, que rien ne se crée, mais hélas, tout se transforme. Car avec la disparition des bordels, on fait de moins en moins dinette. Cependant, il n'est pas rare de croiser quelques croutons dans les Vespasiennes les plus infâmes de la capitale, de croire rassurer les nostalgiques de la France éternelle. Je rends l'antenne en vous demandant de ne pas juger ces juteurs différents, mais de prendre conscience qu'on a beau se manquer de la sexualité des Japonais, on est tous, au fond, des Français de soupe. Oh, bravo! C'est magnifique. Magnifique instant. C'est lamentable. Alors, on va avoir du mal à augmenter la qualité après cette magnifique introduction de Steven pour faire un peu de relativisme culturel, dire que les Japonais sont dégueulasses, mais nous aussi. Du coup, on peut, grâce à ce petit disclaimer, commencer la FK dans de bonnes conditions et parler de l'axe 1, qui est assez culturello, intello, compliqué, parce qu'on parle des représentations sexuelles du Japon. J'ai mal dit, ça reparle. Pourquoi, on parle des racines culturelles et sociales du sexe au Japon. Du sexe au Japon et du rapport des Japonais au sexe. Voilà. Pour expliquer un peu, comme on a un podcast de pas. Représentation. C'est pour expliquer comment qui baise. Ouais, c'est ça. Merci Louis. Comment qui voit la baise. Sans débat, bien sûr, l'axe 2, ce sera les femmes dans le sexe au Japon. Et l'axe 3, ce sera les choses dégueulasses du Japon. Donc restez bien sûr jusqu'à la fin et n'hésitez pas à voter tu par SMS. Les femmes dans le sexe au Japon. Mais c'est pas le sexe dans les femmes au Japon. Ah. Oh, amateur de bons mots. Ça se discute, on va voir, mais ça se discute. Alors on commence, je crois que c'est Zaza qui a eu beaucoup de notes sur ce sujet-là. Alors comment les Japonais voient-ils le sexe? Qu'est-ce qui diffère dans leur vision du sexe? Avec leurs yeux, mais ils le voient bridé. Bah, est-ce que tu veux vraiment qu'on parte de la vision actuelle des Japonais par rapport au sexe ou de l'origine de ce qui peut être la vision des Japonais par rapport au sexe? Je n'en sais rien. C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Bah moi en fait je trouvais que c'était intéressant. Moi j'en ai soupé. Je trouvais que c'était intéressant de partir des mythes japonais, des mythes fondateurs en fait, de l'équivalent de notre genèse pour les judéo-chrétiens ou d'autres choses pour les autres. Hein, voilà, il n'y a pas de relativisme culturel, comme on dit. Et donc parler du Koigi Nyongi. Est-ce que ça vous parle? Absolument. Ah, j'en manque souvent. Donc, si, tu m'en as parlé, mais vas-y. Donc c'est le mythe de création du monde japonais. Donc où en fait le monde n'est pas l'œuvre d'un dieu originel unique, mais plutôt celle de sa descendance et plus précisément du premier couple. De sexe différencié. Donc, Adam et Ève, quoi. De quoi ? Adam et Ève. Bah là, en fait, c'est l'allégorie du ciel et de la terre. Donc, c'est Izanagi et Izanami. Voilà. Donc... C'est plus équivalent à Zeus dans la mythologie grecque. Parce pourquoi que c'est les créateurs du monde. C'est pas comme Adam et Ève qui sont les premiers hommes. Ah oui, dans ce sens-là. On m'avait pas dit que c'était culturel ici, en fait. Ah si, hélas, il y a un vernis culturel quand même. Regarde. Et donc en fait, non, ce qui est intéressant par rapport, enfin, qui se différencie aussi de la mythologie grecque, c'est que là, c'est vraiment l'acte sexuel qui est à l'origine de la création du monde, tu vois. Bon, il y a une sexualité qui est hyper présente dans la mythologie grecque, on est d'accord, mais c'est pas, ça a pas cette place super importante. C'est pas le Big Bang, c'est le Gang Bang en fait. Oh, oh c'est beau, joli. Heureusement que tu es là. Merci Doui. Donc en fait, donc ces fameux Izanagi et Izanami, ils vont créer donc la Terre, enfin la première. Izanami beaucoup, je crois. Hein. Ils vont créer donc la première île de la Terre en faisant un acte donc qui est vachement empreint de symbolisme sexuel. Une sodomie. Non, en fait, ils vont barater. Vous voyez ce que ça veut dire barater? Non. Faire du beurre. C'est faire du beurre. Quand tu fais du beurre, en fait, t'as une espèce de truc en bois, ouais. et tu la secoues comme ça jusqu'à ce que le beurre se solidifie. C'est en fait. Quand tu fais ça à côté de ton micro. Ça te plaît? Bon, voilà. Et donc, en fait, ils vont barater donc l'eau salée avec une hallebarde qui viendrait du ciel, donc la fameuse Yetamaboko. C'est du baratin. Donc voilà, donc en fait, bon, la symbolique sexuelle ne vous échappe pas. Avec sa grosse hallebarde, il va faire des mouvements de haut en bas bah dans non, l'eau. En fait, il touille quoi. Il touille, voilà. Ah bon, bah parle comme il faut. Il touille pour faire du beurre. Il lui touille l'eau salée, voilà. Pour faire de la crème. Pour faire de la crème. Tout le petit salé. Mais tu vois du sexe partout. Hein. Et donc, les gouttes qui retombent, donc on peut parler de foutre métaphorique, les gouttes qui retombent donc de cette eau baratée vont s'agréger, solidifier et émerger. Et faire émerger et une île. Ça fait les Vosges. Et faire émerger donc des chocs à pic, oui. Donc, le pilier du centre de la Terre qui s'appelle Onogoro-jima. Ah, très bon accent japonais, je trouve. Onogoro-jima. Voilà. Ah oui, c'est mieux. Donc voilà, donc le sexe est à l'origine de la création dans ce début du mythe, est vraiment un concept central quoi. Donc ça déjà je trouvais ça vachement intéressant par rapport à la tradition judéo-chrétienne. Pourquoi elle baise autant? Le sexe, ça crée le monde forcément après. Voilà. Est-ce que ça vous inspire, ça ne vous inspire pas? Je continue. Bah, moi en fait je trouve que c'est, tu dis c'est beaucoup plus empreint de sexualité que de la mythologie grecque, je suis pas certain. Parce que quand même, par exemple, Aphrodite naît du foutre que Zeus dépose dans la mer. L'écume de mer, chez les Grecs, c'est du foutre de Zeus. Oui, mais les éléments tels qu'on les connaît n'ont pas été créés tasse. Par la... Les éléments tels qu'on les connaît n'ont pas été créés par Dieu, tu vois, c'est différent. Ouais. C'est après, eux, ils ont leur propre histoire en interne, tu vois, cette bande d'incestueux de... Voilà. Oui, non, c'est bon. On se comprend. Dans l'inceste, on y arrive. Attends un peu. Non mais voilà, enfin c'est complètement différent. Là, tu vois, il y avait rien et il y a eu soudain ces deux personnes qui ont créé le monde, tu vois. Et le sexe d'où est la base de tout. Ouais, mais elles viennent d'où elles? Bah c'est des dieux quand même. Oui, mais ils viennent d'où? Bah ils sont là quoi. Réponds-nous ça, vas-y, dis-nous tout. J'aime pas ces questions. La France veut savoir. La page Wikipédia s'arrêtait. Ah merde. Parce que ça, d'accord, mais est-ce que ça se retrouve aujourd'hui dans les représentations ou est-ce que c'est un truc comme le sexe se retrouve très facilement. Bah sauf le mien. Ça dépend sur dans quel les bourrelets. Mais Doui soulève la table avec son érection, je tiens à le dire. C'est vrai. Ok, reprenons un peu de sérieux. Est-ce que ça se retrouve, par exemple, est-ce que dans des hentai, il y a des trucs comme ça? Non, mais en fait, juste ça met au niveau culturel, niveau représentation, forcément, ça, ils ont pas de religion comme nous qui avec une honte du sexe et tout, puisque le sexe, il est à la base de tout. Donc débat, ça change beaucoup leurs ébats, puisque le sexe, bah, ils ont pas d'avoir honte ou à se cacher ou à interdire la sodomie, puisque le sexe, ça a créé des montagnes et des mers, donc forcément, c'est plus cool. Alors, par contre, plus sérieusement. Effectivement, ils ont une sexualité qui est différente de la nôtre, puisque par exemple, eux, donc, quand ils se lavent dans une douche ou ils se lavent au gant. Et après, dans une douche ? Ouais, non, mais attends, j'ai c'est dégueulasse. Mais par contre, ils prennent un bain, ils peuvent le prendre en famille. C'est-à-dire de différents âges et de sexes différents. Donc, eux, ils ont un rapport à la nudité qui est complètement différent du nôtre, par exemple. Tu vois pas le problème, mais c'est normal. C'est normal. Dans ta famille, non, je me rappelle toi, qu'on voilà, fait ça. Parce que toi, tu prenais bon, des bains avec ton oncle. Mais c'est pas grave, c'est pas ça. Moi, j'ai... Il appelait ça son moment spécial. Ouais, mais... Très bien. Eh bien, merci. Du coup, continuons le mythe du Japon, tout ça. Donc, le sexe est au centre de tout. Donc, forcément, ça a des répercussions culturelles différentes de ce que nous, on connaît. Voilà. Voilà. C'était pour dire ça. Et est-ce que ces deux dieux sont amoureux l'un de l'autre ou absolument pas Oui, ils sont amoureux et ils sont unis. Ils sont unis par les rites sacrés du mariage. Et c'est là qu'il y a un autre aspect intéressant dans ce mythe par rapport à la sexualité du Japon. C'est qu'en fait, il y a un épisode très connu dans cette mythologie. Bon, mythologie, du coup, c'est pas le terme, mais... Si. Bon, dans cette mythologie, ok. C'est ce qu'on a appelé la faute, le péché originel, si vous voulez, d'Izanami, en fait. Donc, en fait, c'est donc cette femelle ayant prononcé en lieu et place de l'époux la phrase rituelle précédant l'union physique, va commettre donc cette fameuse faute. Donc combien, en fait, elle va circonvenir au, Mais je suis ta sœur. C'est convenir au rituel traditionnel tel qu'il a été conçu. Et donc du coup, ça va donner naissance. Elle va donner naissance à la suite de ça à des monstres et notamment à un enfant sans os, une sorte de limace et d'autres saloperies. Donc en fait, ça montre à quel point la codification du sexe au Japon est importante et est ancrée dans la culture. J'ai toujours pas compris quelle était la faute. Vraiment, c'est une vraie question. C'est le en fait, il y a des formules rituelles qui doivent être prononcées à l'avance par les deux époux, et elle a prononcé la formule que l'époux est censé normalement prononcer. Connasse. Oh, calmons-nous, s'il vous plaît. Un peu de respect dans ce podcast. Oui, enfin, on sera assez irrespectueux envers les femmes dans la partie 2. Alors, donc, elle a donné naissance à une limace. Enfin, un truc qui ressemble à une voilà, limace. Voilà, à une grosse saloperie du genre. Ah, c'est marrant parce que du coup, il y a une vraie codification des genres dès les mythes fondateurs, quoi. Voilà. C'est-à-dire, la femme a une place et a des mots à prononcer, et l'homme. Et le péché originel, c'est elle a pas respecté sa place. Ouais, c'est ça. Elle n'était pas libérée, délivrée, quoi. Ouf, je suis pas sûr de cette référence, mais non, enfin, elle va passer à la trappe. Et donc du coup, il y a des codifications sur les rôles entre chacun. Effectivement. Ces deux dieux sont en relation maritale. Voilà. Comme on dit. Et reliés aussi, ce qui est très important, parce que je disais tout à l'heure, le fameux pilier qui est créé par leur première relation, le Onogoroshima, il est en fait le lien permanent entre le ciel et la terre. Donc en fait, c'est l'acte sexuel qui est à la bite de Babel. Merci, c'est un double dong. Ciel, quoi, c'est ça la fausse morale du podcast, quoi. Genre, arrêtez les gars, c'est la bite, c'est la bite. Ça va, on t'a reconnu. Donc, ouais, ce fameux pilier, en fait, c'est donc la représentation métaphorique de l'acte sexuel. J'étais senti Stavro. Bref. Et donc, c'est le lien permanent entre ces deux personnes. Oui, donc, le sexe est vraiment au centre des relations entre l'homme et la femme dans les mythes d'origine, dans la culture profonde du Japon. Et donc, je disais, il y a une codification des genres. Parce que, aussi dans la culture japonaise, et encore aujourd'hui, dans la culture traditionnelle en tout cas, il y a aussi cette place, et l'amour n'est pas tout à fait le même, si non. Je ne m'abuse. Il y a une séparation des sentiments et du sexe. Là, d'ailleurs, on voit clairement dans le mythe que c'est un sexe utilitaire, c'est un sexe qui a un but, qui n'est pas juste une simple expression de la relation. Un sexe dans un utilitaire, hein, c'est pas pareil, je crois. Non mais baiser sans amour, je trouve ça bien, moi. Tu t'en tiras chez toi, là-bas. Ah, je vous ai proposé une partie à 4 chez moi, vous n'avez pas voulu. C'est vrai. Mais du coup, alors le sexe là-bas n'a pas d'amour. Alors que chez nous, judéo-chrétien, c'est faut s'aimer, le mariage, on féconde, pas et pour le plaisir. Et chez nous, le sexe est. Enfin, chez nous, voilà, dans la culture judéo-chrétienne, le sexe est vraiment lié à la relation. Et c'est-à-dire que si tu as du sexe hors mariage, c'est un péché. En fait, c'est là où je pense qu'on tient notre première grande idée sur la sexualité des Japonais, c'est qu'on a une dissociation entre sexe et sexualité. Et c'est pas du tout la même chose. Putain, ça conceptualise à mort. Non, vas-y, mais dans le sens ça m'intéresse. Dans le sens où on a énormément. Guitar, ça m'intéresse. Dans le sens où on a énormément de manifestations, en fait, de jeux de séduction entre les Japonais qui vont aller chercher ça, notamment dans des échanges commerciaux, on peut le dire. Mais en dehors de ça, tu as une dissociation complète du sexe qui est vue comme quelque chose que tu fais pas forcément avec ta moitié, parce que la prostitution, c'est quand même quelque chose d'assez léger par rapport aux autres. On en parlera dans l'axe 2. On en parlera dans l'axe 2. Ouais. Mais par contre, la sexualité est omniprésente. Enfin, tu as donc les fameux make café, ouais. Par exemple, où tu as des mecs qui viennent simplement se faire servir par des soubrettes qui leur font des clins d'œil. Pourquoi tu parles de ça, en fait, là ? Si, parce que du coup, culturellement, par exemple, la séduction n'est pas liée. En fait, dans la tradition judéo-chrétienne, la séduction est un préliminaire au sexe. Alors qu'au Japon, tu as vraiment une dissociation des deux. Oui, ils peuvent bander gratos, quoi. Bah, gratos, non, parce que à mon avis, c'est payant. Oui, voilà, mais justement, tu le payes. D'accord, donc il y a plus un côté commerçant ancré dans leur culture, parce qu'on peut baiser à droite à gauche sans souci, parce que l'amour là-bas, enfin ils savent pas ce que c'est, on peut le dire. C'est au-delà de l'aspect commercial, c'est plus qu'il y a un... Tu vois, genre, on aurait plus un tabou sur le sexe en lui-même, alors que je pense que de leur côté, ils ont un tabou vraiment sur les sentiments, sur l'expression des sentiments, et qui sont beaucoup plus cachés, qui sont beaucoup plus... Tu sais, c'est la culture holiste, où tu te fonds dans la masse et tu te démarques pas par ton individualité, par tes sentiments personnels, tu vois. Et du coup, voilà, il y a cette dissociation entre les deux, je pense. En fait, tu peux baiser avec une pute, c'est pas forcément pour ça que tu trompes ta femme. En gros, ils arrivent vraiment à dissocier le sexe d'un côté, qui est plus un amusement, et l'amour qu'il a avec sa femme. Et alors, est-ce que du coup... Ils ont 30 ans d'avance, hein. Est-ce que ce concept d'amour est le même chez eux que chez nous ? Alors... En fait, ils n'ont pas vraiment de concept d'amour en soi. Ils ont un truc... Alors, c'était la sociologue Agnès Giard. Vous avez dû voir pas mal de ces trucs en faisant leur recherche. Ah bah, c'est celle qui fait les 400 culs. Oui, voilà. Ouais. Et qui a fait... Donc, attendez, c'est celle qui fait les 400 culs. Ce podcast a des références que je n'ai pas. Elle a un blog qui est assez génial, qui s'appelle les 400 culs. Ouais. C'est un blog d'analyse sociologique de la sexualité. Voilà. Et je crois que c'est Libération qui héberge. De mémoire, ouais. De mémoire, ouais. Elle a fait aussi le dictionnaire de l'amour et du plaisir au Japon. Donc, ah bah oui, mais d'ailleurs, vous en avez parlé dans le 69 de Gata. Je n'ai plus envie d'en parler. Donc voilà. Donc elle décrit en fait. J'ai failli gerber, hein. Non mais là on reste off pour l'instant. Donc on disait donc il y a pas de concept d'amour en tant que tel. Eux ils ont ce qu'ils appellent le koi. Donc ce que Agnès Girard décrit. Bon cette description est comme un peu comme la carpe koi. Non tu lis mal, c'est le koït. Le koi. Je vous lis un extrait du coup de son fameux dictionnaire. C'est un moment d'intimité instantanée, un peu comme la soupe instantanée. Bon, on lui pardonne. C'est un instant à peine prolongé, semblable à un jeu qui s'éteint presque immédiatement. Le koi peut durer une nuit, il peut aussi durer une heure, mais en aucun cas il ne peut durer une année. L'idée de la durée est totalement contradictoire avec notre idée du koi, parce et que le pognon. Japon fait partie de la ceinture du feu du Pacifique, la zone sismique la plus active de la planète. Donc en fait, c'est ce sentiment d'urgence, selon elle, et d'imminence de la fin du monde qui force la passion qui repose sur cette idée d'un monde éphémère. Tu peux pas une année, c'est trop cher. Ah, aussi. D'accord, du coup, il n'y a pas le même amour que chez nous, effectivement. Donc c'est plus une passion fusionnelle, hein, l'expression d'un besoin physique, une sorte carrément d'exorcisme, tu vois, que tu retrouves beaucoup dans les estampes, notamment, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Oui. Sûrement. Et pas du tout, et donc on associe pas du tout l'idée de sentiment à ça, quoi. C'est vraiment purement... purement sexuel, purement passionnel, quoi. Je crois que t'es en train d'endormir Staro. Non, je suis fatigué, c'est tout. Mais ouais, bah, c'est bien, faut retenir tout ce qu'on dit là parce que ça augure beaucoup de choses pour ce dont on va parler après, tout ce qui se passe maintenant. Du coup, ça, tout ce qu'on dit là, ça a des répercussions sur ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment. Non, mais je m'en rends compte. Attendez, Stavro nous fait quand même écouter ce qu'ils disent les autres, parce que c'est pas mal intéressant. Non. Et après, ça sera peut-être intéressant. Mais là, maintenant, c'est pas intéressant. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ce que vous disiez avait beaucoup de répercussions sur ce dont on allait parler plus tard. C'est tout. Très c'est bien vrai. Ce qu'ils disent. Il a raison. C'est une sorte de propédeutique à la suite de la fucking kermesse. Il est où le Chivas? Il est là. Merci. Il n'y a pas de glaçon. Ah si, il y a. Très bien. Alors, donc là, on a parlé un peu de la tradition dans la culture japonaise. Alors moi, j'ai des petits, mais c'est pas sur la tradition, c'est ce qui passe aujourd'hui. Ah oui, c'est voilà, j'allais passer. Je faisais une transition parce que je vois que tu ne suis plat. Oui, bon, je suis un peu dans les vapes. On a parlé de la tradition et des mythes fondateurs. Du mais sexe. Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, un petit topo. Alors, sachez que l'industrie du sexe, on en parlait tout à l'heure, c'est 1% du PIB du Japon. Non mais c'est beaucoup hein. 1% du PIB c'est beaucoup. Nous c'est pas en France, c'est pas ça hein. Voilà. Ils ont 30 ans d'avance. Et par contre alors ok, l'industrie du sexe est très importante, mais la sexualité en elle-même et les gens ne baissent pas beaucoup là-bas. C'est une catastrophe. Le sexe ils s'en foutent. Mais je crois que d'ici 2050 ils vont perdre 30 millions d'habitants. Ouais c'est ça, ils vont perdre la moitié de leur population comme ça parce que il y a un vrai problème de sexualité. Sachez que il y a des gens entre 18 et 34 ans qui ont jamais eu de rapport sexuel. Et ils sont en 2011 à 36,2% de mecs entre 38 et 35 ans qui n'ont pas baisé. Alors moi je vous propose, on monte un tipi et on monte des aphrodisiaques pour japonais. Je crois qu'il y a beaucoup de podcasters chez les japonais, c'est pour ça en fait. C'est vrai. Après il y a aussi 27,6% des célibataires de 18 à 34 ans qui veulent pas de relation, qui s'en battent les couilles. Et chez les femmes, le même taux, donc qui veulent pas de relation, c'est 22,6%. C'est pas les fameux herbivores? Exactement. Alors ouais, ces herbivores, c'est un concept qui est vraiment problématique au Japon et ça pose un vrai problème de santé publique. Hein. Le ministère de la Santé au Japon, c'est un de leurs principaux problèmes, ces Japonais qui ne veulent plus baiser. Et ces herbivores, qui sont des jeunes Japonais qui se définissent eux-mêmes comme herbivores. Parce qu'ils refusent les plaisirs de la chair. Ils refusent les plaisirs de la chair mais même toute relation en fait inter-individuelle. Ouais, entre 18 et 19 ans, il y a... 34% des gens qui s'en battent les couilles du sexe. Voilà. Alors que nous, à cette heure-là, à cet âge-là, on veut baiser, on veut que ça. Et eux, ils disent oh non, ça m'intéresse non, pas. Ça les intéresse pas du tout. Hein. Et bah, on peut parler du coup de ce très beau documentaire qu'on vous invite à regarder. Un documentaire de Pierre Cole qui s'appelle L'Empire des Sangs. Oui, très très bon. Un documentaire sorti en 2010 et qui fait une sorte de panorama comme ça de ce problème de la sexualité au Japon. Donc il y a ces fameux herbivores qui ne veulent pas de sexe et ce mec absolument triste qui va au karaoké tout seul parce qu'il voit pas l'intérêt d'y aller avec des gens. Mais il y a aussi des trucs là c'est là qu'on dans ce documentaire on voit qu'il y a un vrai problème parce que on voit à peu près 5 profils de mecs qui ont à peu près rien à voir les uns avec les autres mais qui ont un problème avec leur sexualité. Donc il y a ces herbivores, il y a aussi ils le ont mec pas tous un problème. Ils ont pas tous un problème. Ils ont pour problème. Eux, c'est pas un problème. Ils sont très heureux comme ça. Le mec qui va se taper des queues au vidéo box. Non, je suis pas sûr. Parce que le mec, tu vois, il y a quand même un problème. Parce que s'il va au vidéo box, il te dit que c'est que tout le reste c'est fatigant et il y a que dans sa cabine à branlette qui se sent bien. Il dit pas que ça, il dit que, et c'est ça, ça dont on parlait aussi tout à l'heure et tout se retrouve, c'est que y a, le mec il peut pas assumer ses propres pulsions sexuelles dans son couple. Ouais. Et il y a aussi l'idée que c'est fatigant et qu'il a peur de pas faire jouir sa femme. Et du coup, en fait, c'est, vu que les Japonais, alors, Zasa le disait, c'est une culture holiste où t'as beaucoup de devoirs et t'as beaucoup de travail, de prérogatives. Le couple, c'est presque devenu une prérogative aussi. C'est tellement cérémonieux qu'en fait, tu sens que t'as des obligations par rapport à ta femme. Et du coup, ils voient la baise et l'amour comme une autre contrainte de plus. Du coup, ils veulent aller se branler tout seul. Elle est à 14h et c'est comme ça, quoi. Ouais, du coup, ils veulent aller se branler. À 14h tous les 30 ans à peu près. Hein. Ouais, voilà, du coup, ils veulent se branler tout seuls parce que là, du coup, ils sont tout seuls, ils ont rien, ils doivent rien à personne et c'est un moment de solitude qu'ils ont. Mais ce qui est marrant, c'est que pendant très longtemps, ça a marché, ça. Cette ultra codification et cette culture holiste a fonctionné vraiment dans le Japon. Et ils ont des problèmes depuis, en gros, qui mais c'est pas lié à des politiques de natalité qui facilitaient aussi le truc. Là, d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que le gouvernement, le ministère de la Santé avait beaucoup de problèmes avec ça au Japon. Et t'as oublié de préciser qu'ils ont édité un petit guide pour réapprendre aux couples à baiser ensemble, en fait. Ouais, déjà à se parler. Oui, à se parler et à baiser. Et à baiser. Parce qu'en fait, il n'y a aucune. Enfin, nulle part à l'école, on apprend à baiser ou à aimer aux gens. En fait, il y a beaucoup de cafés avec des soubrettes et tout, de hentai et ça, mais personne n'apprend à comment draguer une vraie meuf, quoi. Alors, du coup, ils l'apprennent tout seul avec des pornos et des jeux vidéo de drague. Nous, on l'apprend pas en cours d'éducation civique non plus. Hein. Ouais, mais enfin, de notre côté, si t'apprends avec les pornos, bonjour, je suis le réparateur de photocopieuses. Enfin, il y a un moment donné, non, ça marche pas. Bah, si tu sais réparer une photocopieuse, ça marche. Justement, on est d'accord, ça marche pas. Tout le temps, les Japonais. D'accord, c'est le souci, c'est que ça ne marche pas et qu'ils ont aucune plateforme pour apprendre. Du coup, il y a le truc du ministère de la Santé pour qu'ils. Merde, moi qui voulais être réparateur de photocopieuse. Non, moi je pense qu'ils ont vraiment eu un problème à partir du moment où ils se sont ouverts au monde occidental et où ils ont découvert un concept de l'individualité qui n'existait pas dans la tradition japonaise. Et tu vois que tous ont un problème avec la notion de être un individu. Que ce soit le mec qui va dans ce même documentaire, l'Empire des Sans, Sans avec S-A-N-S. Jeu de mots. Jeu de mots avec l'Empire des Sens. Voilà. Un grand film érotique japonais. Mais tu vois, donc le mec qui va caresser des chats pour trouver un peu d'affection, celui qui va dans les cabines à branlettes pour se retrouver un peu tout seul. Neko café. Ouais, vous savez quand même qu'il y a, ouais, il y a les cafés à chats, quoi. C'est incroyable. Ouais, bah, Neko café. Même pas de chat. Mais... Je vais reprendre Mystery. Neko café. 2 heures. Ah, ouais, 2 heures. Le mec explique que les chats c'est comme les femmes. Il s'intéresse pas trop à lui sauf quand il a de la nourriture. C'était la phrase la plus triste du monde, putain. Il y en a une autre que j'ai mis en extra sonore pour la partie 2, qui est assez triste aussi. Ah, c'est bon. Mais en tout cas, voilà. Moi, je pense qu'ils ont un problème avec ça, parce que tu vois qu'ils ont tous un problème avec... voilà, ils ont besoin d'être tout seuls à un moment, ils n'arrivent pas à assumer leur rôle dans leur couple, parce que c'est très codifié. Tu vois le mec qui va dans la cabine à branlette, là, qui dit... Il peut pas assumer ses fantasmes devant sa femme. D'ailleurs, il dit un truc très beau que s'il veut se mettre en couche culotte pour se faire sucer, bah avec sa femme il peut pas parce que ça le fait pas. Donc ouais, il y a un vrai problème quoi. Et ça c'est assez récent. Les problèmes de natalité avant. C'est assez récent, mais en même temps c'est un truc qui commence à être tellement ancré dans la société japonaise que les mecs vont de plus en plus loin. Là t'as le phénomène des love dolls par exemple qui devient. On en parle pas après ça de tout ça. Non. On en parle maintenant. On en reparle. Non mais c'est intéressant parce que dans le sens où les mecs dissocient de plus en plus la sexualité, enfin leur couple et leur sexualité, où ils sont en train de vraiment, même des mecs qui sont mariés, tu vois, en train de chercher des alternatives de plus en plus crédibles à la femme, tu vois, genre c'est les mecs n'assument même pas la prostitution, c'est vraiment des poupées en silicone qui sont vraiment faites. C'est-à-dire que pour lui en fait l'acte avec sa femme c'est un devoir. Et le divertissement, c'est avec son fantasme. Exactement. Quoi. Voilà. Parce que tu peux permettre aucune fantaisie, parce qu'il y a toujours cette notion de safe face, tu vois, genre de maintenir une façade respectable, même dans ton couple, qui n'est pas représentatif en de quoi, l'intimité. Tu peux pas lui dire, vas-y, insulte-moi en allemand. Tu peux pas dire ça. Et du coup, il y a, en parlant des love dolls, il y a aussi les plein de trucs. En fait, il y a tout le moe, peut-être on en parle dans l'axe 3, non, je sais pas. On peut en parler maintenant. En fait, le moe, du coup, c'est l'attirance pour des personnages fictifs, donc de jeux vidéo, de manga, etc. Et du coup, les mecs maintenant baisent avec des Akimakura, donc c'est des oreillers grandeur nature avec un personnage de manga dessus et un trou au milieu. Est-ce qu'il y a des Sailor Moon? Je pense, oui. Où est-ce qu'on en trouve? Sûr que oui. J'ai des sites internet, si tu veux. Voilà, donc il y a les Akimakura. Après, je veux bien. Il y a Love Plus, hein, évidemment. Ce jeu sur DS, incroyable. Très connu, très connu. C'est un jeu de drague, un dating sim. On a déjà parlé dans la FK9. Ouais, c'est ça, où du coup, tu as trois petites amies différentes. Et j'ai vu un reportage tout à l'heure de Trax sur Arte, où les mecs racontaient qu'ils étaient en couple depuis 5 ans avec leur DS. Eux, ils avaient choisi cette meuf-là. Ils l'écoutaient pas, ils étaient contents parce qu'elle l'écoutait parler. Elle lui disait comment ça va, mon chéri, nanana. Et le mec, c'est une DS et il l'emmène. Maintenant, il y a même dans le jeu. Her, c'est plus de la fiction, en fait. Ah non, maintenant, c'est. Ouais, les mecs, Her, ils sont vraiment le tu sais film. Il y, ouais, y a eu des mariages. Il y a eu un mariage en Corée, ouais, en 2009, un mec qui s'est marié avec sa déesse. Et de toute façon, il n'y avait pas eu un mec en Corée qui s'était marié avec un personnage de WoW. On parle de DS, la Nintendo console, DS, oui, la dual screen. Voilà. C'est vrai. La console. Et les mecs disent, ouais, je l'ai rencontré il y a 4 ans. Au début, on se parlait pas trop. Après, j'ai appris à la connaître. Elle a appris à me connaître et tout. Et les mecs sont chauds, quoi. Je lui ai vidé son cash, la salope. Et maintenant, il y a même des alliances entre le jeu Love Plus et des hôtels et tout pour qu'elle te donne rendez-vous dans tel hôtel et que tu ailles avec ta DS et que ce soit prévu pour toi. Attends, sérieusement? Ouais, bien sûr, il y a des restos qui disent, bah, vous venez avec votre Love Plus. Et du coup, elle fait, si tu m'invitais à nanana aujourd'hui. Est-ce qu'il facture deux personnes dans la chambre? Bah oui. Mais c'est sûr que oui. les mecs vont au cinéma avec leur DS, enfin, au resto avec leur DS, enfin, c'est vrai quoi, ils y sont. Oh, tu veux une clope peut-être? Ah, c'est vrai. Merci. Donc voilà. Donc ça, c'est le moé, du coup, l'attirance pour des personnages fictifs. C'est encore une fois le fantasme qui prend vraiment une part importante et qui leur permet de s'évader et de. Les gens disent, moi, j'apprends à me connaître en parlant à ma DS parce que du coup, j'ai pas de devoir, j'ai pas de code, j'ai rien. Juste, c'est moi et ma console et du coup, je peux me voir qui je suis, être un individu, un vrai et pas avoir de devoirs conjugaux. Ouais, ça regroupe dans le documentaire dont tu parlais, Steven, tout à l'heure. Ça recoupe avec le mec qui parlait de ses flashlights, quoi. Enfin, l'équivalent du flashlight japonais qui marche super bien. Tenga, non, c'est pas ça? Ouais, le Tenga, mais maintenant c'est importé en France. Hein. Ah ouais, sérieux? Ah oui, oui, tu vas dans un sex shop, il y en a. Ah, je savais pas. Tu peux acheter des Tenga, donc c'est une sorte de. C'est ça? Bah, on a vu des reportages. Pardon, c'est comment? La forme est étrange, c'est une sorte de. Mais en fait, est-ce que c'est comme Jenga, si tu te retires au bon moment, t'as un bonus? Non. Je sais pas, je demande. Ouais, c'est une sorte de double œuf, mais par contre, tu mets ta bite. Ouais, il y a un bouton dessus pour. Effet ventouse. Effet ventouse, quoi. Ouais, j'ai vu ça. Vous savez quand même que le champion du monde de branlette est japonais. Oui, ça se calcule comment, champion du monde? C'est un nombre d'éjaculations à la minute? Non, c'est un nombre d'heures. Il s'est sans arriver au bout, quoi. Il s'est branlé pendant genre 15h, 16h sans arriver au bout. Mais je crois qu'après, il a failli mourir. Hein. Mais il éjacule en poudre à la fin, non? Ça se passe comment? Mais il a la bite en feu, surtout. C'est du blanc d'œuf, après. C'est une île flottante. Non, mais en même temps, la fameuse Izanami. Mais du coup, maintenant, ils ont une sexualité. C'est ce que ce documentaire notamment montre très bien. Ils ont une sexualité qui est vraiment individuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de relation. Même les mecs t'expliquent qu'ils vont pas aux putes parce que c'est fatigant. Parce qu'il faut faire jouer la femme. En fait, il y a. Bon, on en parlera peut-être après, mais les putes, en fait, il y a une loi qui interdit la prostitution seulement s'il y a pénétration vaginale. Donc t'as le droit de te faire branler, sucer, mais pas de pénétrer. Il y a même des mecs qui viennent et c'est voilà, il y a même des mecs qui viennent, ça appuie le truc, c'est se faire masser les lobes d'oreilles ou se faire prendre la tête entre les genoux, tu vois, genre il y a une affection, une sexualité qui est recherchée, mais les mecs ne contrairement aux sociétés judéo-chrétiennes, ne refoulent pas leurs pulsions, ils sont conscients qu'elles existent et il y a pas de chape morale qui vient te dire non, c'est pas bien de vouloir du sexe, c'est juste que c'est dissocié quoi. Ouais. Et c'est pour ça aussi que ils ont une production de produits culturels sexuels qui est absolument abondante. Et voilà, les 1% de PIB dont on parlait tout à l'heure, c'est pas la prostitution qui c'est tous les trucs quoi, c'est les soubrettes, les se faire masser les lobes d'oreilles. En fait, il y a une sorte de. Non, mais c'est de... ça. Et c'est les productions culturelles type hentai. Et jeux sur PC, etc. Voilà. Ouais, les érogués. On peut parler très rapidement du. Enfin, non, même pas forcément rapidement, mais du hentai en général. Vraiment en général? Bah, après, ce sont des dessins animés et des mangas érotiques qui mettent en scène des trucs sales. C'est né dans les années 80. Je fais une petite aparté. Masanobu Sato, donc voilà, c'est alias Masturbator, c'est 9h58 de plaisir. Putain. De plaisir, je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Au bout d'un moment. Donc oui, le hentai, donc c'est des mangas et des animés pornographiques avec beaucoup de sous-genres. On en parlera tout à l'heure. On parlera des sous-genres tout à l'heure. Mais donc oui, il y a. Génial. Il y a tout, il y a des animés, des mangas, des jeux vidéo, tout ça, bref. Il y a, en fait, et c'est intéressant le hentai parce que ça veut dire à la fois perversion et métamorphose. Et perversion, bah ça, il y a des trucs assez chelous dans le hentai, hein, des tentacules, etc. Et aussi métamorphose parce que ça, moi je trouve ça améliore la réalité. Genre, tu vois une femme avec des qui fait du 120D, ça n'existe pas, et qui est trop belle, qui a pas de boutons, qui a rien, et qui est plus bonne que la réalité. Du coup, les mecs, c'est encore une fois dissocié du réel pour se branler sur des meufs qui existeront jamais. Et c'est du moé, encore une fois, quoi. Je trouve que ce qui est intéressant aussi, ce qui serait intéressant, c'est de parler de pourquoi il y a cette distinction entre sexe et sexualité. Sociologiquement, enfin, j'ai par rapport au. Je sais pas si, bah, du coup, dans les différents reportages qu'on a regardés. C'est à toi de parler, man. C'est à moi de parler. Je trouvais. Bon, ça, c'est de la sociologie de comptoir, hein, c'est très très très léger. Et c'est un podcast de comptoir. C'est un podcast de comptoir, effectivement. C'était juste pour parler du fait que, en fait, comme on a une société qui est assez en avance sur les valeurs par rapport aux nôtres. En fait, on a une société qui. Je ne comprends pas cette axiologie culturelle. je fais une hiérarchie des cultures. Nous oui, sommes ça, en dessous. On est en dessous des Japonais. En dessous des Japonais. On mieux les enculer. Tu penses donc que toutes les cultures ne se valent pas? Oh, Jean Claude Guéant. Bip. George Bush. Bon. Oh, comment je t'ai piégé. Je me sens mal. Je me sens mal. Donc je mais disais. Ça ne veut rien dire ce que tu dis. T'as conscience quand même. Oui, oui, j'ai conscience. Ah oui, conscience. D'accord. Oui, oui, oui. Donc non, non, juste c'était un truc qui ressortait des différentes analyses sociologiques et notamment des travaux d'Agnès Giard, la fameuse, qui disait qu'en fait, comme on avait une société qui était fondée, dont le noyau central était l'enfant et non plus le couple, contrairement aux sociétés judéo-chrétiennes, une fois que t'avais eu ton premier gosse, ouais, en fait, t'avais rempli ta fonction biologique et du coup, le sexe sortait complètement de ton couple. Et c'est ouais, ça qui expliquait en fait cette disparition. Ces couples sexless dont ils arrêtaient pas de nous rebattre le caquet. Nous rebattre le caquet. Oui, dans le reportage des Lampères des Sangs, il parle des couples sexless qu'on peut baiser depuis au moins 25 ans et qu'ils vivent très bien. Et d'ailleurs, et c'est même un choix, quoi. Et même, ils vont jusqu'à, il y a des Japonais qui vont jusqu'à concevoir leurs enfants par insémination artificielle pour pas avoir de relation. Voilà, c'est ça. En fait, une fois que tu peux atteindre ton but, tu sors le sexe de ta relation. Les mecs trouvent ça fatigant de pénétrer. Ouais, l'excuse nationale du Japon, c'est oh, je suis fatigué. Ouais, c'est par ça. Par le mec. Donc ouais, des Japonais, les mecs disent ouais, je suis fatigué, et les femmes se plaignent de ça, mais faire une insémination artificielle, je pense que c'est fatigant aussi. Donc il y a vraiment un truc avec Si tu le fais dans un tenga, ça va. Ah, avec un tuba essai au bout. Ouais, c'est vrai. Ah, avec un petit lolicon. Voilà, au calme. Très bien. Donc vous voyez que le climat culturel du Japon n'est en rien le même que chez nous. Donc c'est important d'avoir ces petites précisions culturelles avant de pouvoir aller plus avant dans les choses sales et dans les choses plus concrètes. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'on aura parlé d'autres choses pour dresser le portrait, non, dresser le tableau, j'ai pu brosser le portrait, voilà, voilà. De la culture sexuelle du Japon. Bon, je pense qu'on a fait un beau petit panorama. Zaza, t'avais quelque chose à non, ajouter? Non, non, ça me paraît pas mal. Doui, t'as quelque chose à ajouter? Non, je sais l'arrêter. Très bien. Très bien. Du coup, on va pouvoir passer, avant de s'intéresser à la place des femmes dans tout ça, dans la culture sexuelle du Japon avec les geishas, etc. Parler d'un quiz. Non, parler, on va faire un quiz, voilà, c'est ça. Et c'est moi qui fais le quiz, et c'est génial. Ça promet. Donc, c'est maintenant, en plus, c'est très articulé, donc... Monsieur. Ouais, quoi? Vas-y, parle, qu'est-ce que tu veux? Je vais vous poser une question, si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Top, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions, je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Sacré Julien. Eh bien, on se retrouve pour le quiz habituel, le quiz incroyable. Alors... C'est celui où t'as dit que c'était de la merde? Alors ça, c'était les coulisses, hein. C'est un très bon quiz, il va vous fastiner, il va vous laisser... Vous fastiner, c'est genre fastidieux et fascinant en même temps. Exactement. C'est comme à la fistinière. Ah, il va même vous barater, ah, vous allez voir. Ah, j'ai toutes les réponses. Je suis Barateka, je fais du beurre en cinquième dan. Alors, on commence. C'est lamentable. Bien sûr, chacun pour vous, hein. Chacun pour vous. Donc il y a Steven, Doui et Zaza. Vous, quelqu'un compte les points, c'est pas moi. Il y a un stylo là, si quelqu'un veut. Non, bah, écris sur ton bras. Donc. Vas-y, je vais les noter, moi. Non, c'est bon, je note. Okay. On se lance. Zaza ne regarde pas les réponses. Je ne regarde pas les réponses, je regarde que les questions. La réponse contient forcément hentai ou maki. Parce que normalement, on reste dans les préjugés du Japon, c'est génial. Donc tu as compris, Doui, la réponse contiendra forcément le mot hentai ou maki, mais après il y a des jeux de mots. Après hentai, c'est quoi? Maki. Ah oui, merde. Voilà. Par exemple, première. Avant maki, c'était hentai. Ah putain, oui. Je vais noter, hein, deux secondes. Par exemple, mon grand-père, mon grand-père l'a fait pendant la guerre. Etchi. Il a fait le maquis. Oui, il a fait le maquis. Merde, putain, il a fait le maquis. Il a fait le maquis cheese, mon grand-père. Bravo à lui. Je suis pas franchement sûr de ça, mais. Donc, un point pour Zaza. Ah, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Ah oui, d'accord. Ah merde. Le mot. Attends, le... après hentai, c'était quoi? On continue avec la deuxième question. Le mot le plus long de la langue française. Hentai. Hentai constitutionnellement. Ah, oui, mais il est bon. Hentai constitutionnellement, bien sûr. Bravo, Zaza est on fire pour son retour. Ces questions-là. Allez. Et là pour son retour, hein, il est au taquet. Je suis revenu pour mon retour et pas avant, comme on disait. Mais il a vu la réponse. Il a vu la réponse, c'est dégueulasse. Une marque d'ordinateur avec une pomme en logo. Mac. Apple. Hentai Inside. Non. Il faut qu'il y ait Mackie ou Hentai dans la réponse. Apple Mackie. Macintosh. Macintosh. Ah, putain, là. Zaza, il est trop là. Vous êtes endormi, les gars. Il y a donc qu'est-ce trois... que c'est que ces questions? Donc il y a pour... et 1, et 2, et 3, 0. Allez. Pour Zaza. On continue, évidemment, toujours dans la joie, la bonne humeur et le Japon, avec une expression pour dire qu'on n'en branle pas une. Celle-là, elle est un peu chaude. Avec une partie du corps. Quoi? Il a un taille, non. Dans l'expression, il y a une partie du corps. Un taille. Je m'emballe ma couille, non. C'est les pieds. C'est les pieds. Dans l'expression, il y a les pieds. Les pieds. Et ça veut dire qu'on n'en fout pas une. Avec hentai ou maki. Putain, mais on l'a pas. On a les doigts de pied. En éventail. C'est lamentable. En éventail, c'était la plus dure, je pense, des réponses. En éventail, évidemment. C'est lamentable. Personnel point là pour le coup. Ouais, je pense. En éventail. C'est nul. Il reste deux questions, attention. C'est tout ? Non, après il y a d'autres choses. Ah. Un sport controversé en Espagne. En Espagne ? Avec des animaux. Ah, la corridentail. L'animaux, c'est quoi ? L'animaux, c'est quoi ? De taureau. De taureau. La tauromaquie. Eh oui, la tauromaquie. Mais c'est nul. Évidemment, la tauromaquie. Ah, j'étais pas loin. Doui est atterré. Dans ma tête. C'est nul à chier. Doui, c'est son premier quiz. J'en peux plus. On met du temps à s'habituer, c'est normal. Je peux partir maintenant. On continue. Dernière question de cette partie du quiz. C'est compliqué quand je parle. Le nom des vaisseaux de l'Empire. Les Hentai Fighters. Oui, les Hentai Fighters. Allez. Joli, joli, joli. Donc ça vous a mis la piquette. Ouais, il y a 4. C'est la piquette, Jack. Et Doui à 0. 4-1-0. Doui, faute 1. J'ai refusé de jouer. Ah, je comprends. Tu as raison. Tu t'es levé contre cette. Facile. Maintenant, on va c'est parler. Comme le grand-père de Stavro quand il y a eu la guerre. Il a refusé de jouer. Et voilà. Le mec, c'est joué. Pour les autres. C'est très bien, mais pas pour moi. Non, non, mais le grand-père de Stavro a joué, mais contre son camp. Maintenant, on va parler des jeux TV japonais. Ah. Alors, j'ai 3. J'ai 3 propositions. Enfin, je vais parler de 3 jeux. Je vais vous donner le nom du jeu. Faudra me dire ce que c'est. J'ai 4 propositions pour vous. D'accord. On vous dirait 1, 2, 3, 4. Pour ce qu'elle, vous pensez que ça existe pour de vrai? Oui, ça existe. On les envoie au 8, 82, 3. Alors, il y a Chanter quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est un jeu de karaoké devant un ventilateur géant? Est-ce que c'est un jeu de karaoké pendant la messe? Est-ce que c'est un jeu de karaoké pendant qu'on se fait masturber? Ou est-ce qu'un jeu de karaoké pendant que ta famille se fait rakiri? C'est la 3. 3. Moi, 3, ouais. 3. Ah oui, mais c'est très très connu. Un jeu ça fait le tour du net. Oh là là. Les gens ne connaissent pas forcément. Je suis déçu. C'est un jeu de karaoké, bien sûr, où on se fait branler pendant qu'on chante et il faut garder la note juste. Est-ce que ça aide? C'est comme n'oubliez pas les paroles avec Nagui, mais en mieux. Putain, t'imagines? Tu te fais branler par Nagui. Présenté par Clara Morgan. Oh, c'est sale. Mais ça me plairait beaucoup. On continue avec le deuxième Taratata jeu. Taratata branlette. Avec le deuxième jeu. Taratata? Non. Vous avez cherché. Non, j'ai cherché, y a rien. Vous avez tous eu un point, bien sûr. Japanese sexy curling. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un truc jeu avec du curly. Où des femmes nues font du curling? Est-ce que c'est un jeu où on utilise des gold géants pour balayer le palais? Est-ce que c'est un jeu où on fait du curling avec des femmes nues qui doivent s'emboîter en des god? Ou est-ce que c'est un jeu de curling tout simple parce que c'est sexy en soi? Le 4. La 3. Avec des femmes nues qu'on met dans des god? Oui. Non. C'est quoi la 2? On balaye avec des god le palais. Voilà, la 4. Donc ça y est, ok, bah c'était Zaza. Oh non, mais attendez, mais c'est vrai? Alors bien sûr, non. Ça existe, vous tapez Japanese sexy curling. En fait, qu'il me presse les couilles quand j'ai la bonne réponse. Non, mais alors, sachez la vérité. On enregistre sur 2 micros et Zaza, en fait, regarde comme une fouine. Il regarde les réponses et après il fait style et réfléchit. C'est bas, ça. Non, parce c'est que là, en fait, il n'y a pas écrit la bonne réponse, c'est juste les 4 propositions. Donc il peut non, pas savoir. Tu l'as surligné, dis pas tout. Non, j'ai pas. Ah, donc comment en fait, comment ça marche? Il y a une des femmes qui sont quasiment nues, mais genre en petite maillot de bain. Elles sont à plat ventre sur le truc qui glisse et les hommes doivent les balayer pour qu'elles aillent un peu vite sur le terrain à plat ventre et pour qu'elles mettent la bouche, le vagin ou le cul sur un god à la fin. Ça a l'air sympa. Ils ont 30 ans d'avance. Ça passe à la télé vraiment quoi. Oui, ça passe à la télé, bien sûr. Ils ont 30 ans d'avance. Mais merde, ça existe pour de vrai. Oh, c'est oui. Génial. Non, Stéphane vérifie du coup en direct. OK hein, parce que c'est non, laisse un peu. Attends, laisse un peu. Laisse un Doui veut se toucher. Eh mais attends, mais il y a une piste de curling. Il y a un god au milieu en direction de là où on tire et on envoie une femme. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Tu me croyais pas? Mais, non mais ça c'est génial. La japonaise et tout quoi. Vas-y, avance un peu. On passe du coup. Oh merde! Elle s'emboîte, c'est mais ça? Non, voilà, les jambes écartées. Elle est en culotte quand même. Mais, attends, mais les gars! Attends, vous attends, êtes attends, perdus. Non, attends! Nous on voit pas avec ça, on est pas content. J'ai éteint. On regarde maintenant le troisième jeu japonais. C'est Tongue Twister Nutshot Challenge. Est-ce que c'est un jeu Twister avec la langue où chaque faute équivaut à un coup dans les couilles? C'est un jeu où il faut défaire des nœuds avec sa langue pendant qu'on se prend un coup de pied dans les couilles. Est-ce que c'est un jeu où on doit dire des phrases compliquées, genre chaussettes de l'archiduchesse, sous peine de se prendre un coup de pied dans les couilles? Ou est-ce que c'est un jeu où le public jette des tongs à un homme en essayant de viser les bourses pour faire mal? La 2. La 3. Non, la 1. Eh bien, c'était la 3. Eh ouais! Zaza a raison encore une fois. On a, le tongue twister, trouvé... c'est une expression anglaise, les gars. Mais on a trouvé qui est déviant. Ah, c'est. Bah oui, on savait déjà en même temps. Qui est du plaisir, jamais de travail. Il est déviant, souvent cristallin. Parfois bon. Kézak. Bref. Je vous la mets, les gars, là. Ah, il y a combien, là? Quels sont les scores? Un partout. Ouais. Un pour Dewey, deux pour Steven et 6 pour Zassa. Oh là là. Eh bien, écoutez, les questions maintenant valent 3 points. Oh, c'est impeccable. Une dernière partie. Merde, enfin, je compte. Et la dernière question compte quadruple. La réponse, là, c'est Goku, Gokun ou les deux. Je vais dire des phrases, on va dire si c'est Goku, Gokun Rappelle ou les deux. Goku. Goku, c'est Dragon Ball sans Goku, évidemment. Hein, Goku, Gokun ou les deux. Alors, il est question d'un nuage magique. Goku. Les deux. Gokun, les deux. Les deux. Ah, Stan a dit les deux, pourquoi les deux? Parce que Goku se balade avec des nuages magiques et le Gokun est une sorte de nuage laiteux magique. J'accepte. En fait, un Gokun, oui, on a même discuté. Un Gokun, c'est un dérivé du Bukake où, en fait, au lieu de gâcher le sperme. Aussi. Explique Bukake. Bukake, bon, il y a une femme. Spermidouche en français. Bukake. Bukake, il y a une femme à genoux qui se fait éjaculer dessus par beaucoup d'hommes. Voilà, sur son visage évidemment. Et Gokun, au lieu de gâcher le sperme sur le visage, on le met dans un récipient qu'ensuite elle boit. Tout se transforme. Donc là, le nuage magique, j'accepte les deux. C'est l'équivalent d'un steak au niveau protéines. Ah, Doctissimo s'invite. Ce soir, c'est. Du coup, c'est dégueulasse parce que du coup, Steven est à égalité avec moi maintenant. Ah oui. C'est un scandale. Alors, il a 5 et tu as 6. On continue. Gokun ou les deux. Ça passe à la télé. De quoi? Goku. Les deux. Steven a dit les deux en premier. Pourquoi les deux? Bah, le Gokun, je pense, ça passe à la télé au Japon aussi. Ah, tu penses? Non, mais c'est sûr. J'ai déjà vu à la télé. La précision professionnelle. Je pense que voilà. Et bah, tu vas sur un site pornographique. Mais c'est pas la télé. Oui, mais tu le branches sur ta télévision. Bon, sur la télévision publique. Ne soyez pas mauvais joueur. Ensuite, on passe du coup toujours Goku, nous les deux. Il y a un générique chanté. Goku. Attends, qui a dit quoi? Moi j'ai dit Goku. Ah, toi aussi. Ah, bah, elle peut faire des gros. Alors chante-moi le générique du Goku maintenant. Alors, mais je ne peux pas, je ne pratique pas le japonais. Ah, ouais, mais tu peux le faire en français. Goku. Bol de foutre, tu le verras sortir de ma poutre. Hey Goku, bol de foutre, tu le verras sortir de. T'as l'outre? De mon outre. Ton outre. Oh, outre, de mon outre. Voilà, donc c'était, bon, bien sûr, Goku, avec Dragon Ball, la quête finale du bien contre le mal. Hein, les Dragon Ball, on en parle? Je suis à 11. Et Steven vous encule, du coup, là. Oui, bah, c'est un peu un scandale. Hein. Je l'ai ruiné tout le machin, et là, oui, contre bah, c'est triple. Attention, c'est maintenant, tout est encore à faire, il y a 3 questions. C'est maintenant. Dewey, tu peux même gagner encore. Non, j'essaie d'arrêter. Ok. Ça plaît aux enfants? Les deux. Goku. Ah, les deux, bien sûr, les deux. Voilà. Les deux. J'accepte les deux. Sache que dans les îles. C'est nutritif. Un peu éloigné du Japon. Quand t'as une petite grippe, on te met un petit bol de foutre et ça va tout de suite mieux. Mais même en France, dans Lyon. Hein. Donc tu me mets 3 points, Steven. Mais arrêtez. Tu me mets 3 points. J'accepte la réponse. Dorothée, on a beaucoup parlé. Les deux. Goku. Goku. Alors bon, je crois que c'est Goku. Vous avez pas vu les interviews cachées. Je crois que c'est Goku qui gagne et que c'est Steven du coup, parce que j'aimerais beaucoup entendre Dorothée parler de Goku, mais je crois que ce n'est pas arrivé, hélas. Parce que tu ne fais pas partie du club Dorothée. Tous les ans, tous les membres du club Dorothée venaient faire un Goku géant. C'était génial, on s'amusait bien. Et dernière question, ça a une queue. Les deux. Ah non. Si. Bah ça a plusieurs queues le Goku. Bah ouais. Goku. Oh. Donc tout le monde a faux, vous êtes tombés dans le piège. Le Goku n'a plusieurs queues. Goku n'a qu'une seule queue. Mais enfin, en fait, il en a deux. Mais il a une queue de singe, voilà. Ah oui, non, mais ça ouais, marche Goku, pas alors. Goku a plusieurs queues. Rien ne marche alors. Ah ouais, non. Allez, bim. Et ouais. C'était un piège quoi. Ah. Pour la petite histoire, sachez que dans la version originale, on voit son Goku à poil, mais comme c'est passé par nos amis américains que nous adorons énormément, ils l'ont mis en slip. C'est vrai. Je savais pas. Pour les amateurs de Dragon Ball comme moi, c'est un détail. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que Dragon Ball GT est incroyable parce qu'on voit sa bite. Enfin, après, il y a aussi Vita qui a une moustache, donc c'est moyen quand même. Oui, et Krillin a des cheveux. Voilà, beaucoup de choses qui ne vont pas. Bref, du coup, le quiz est terminé. Il était. Déjà ? Qui a gagné ? Oui, déjà. Ah, bon, vas-y, pronostic. Je pense que Steven m'a niqué parce que c'est un scandale. Je pense que c'est moi. Et ça me foutrait vraiment le sub. Alors, Dewey a 1. Ouais. Bravo, Dewey. Merci, non, franchement. Steven a 14. Et Zassa a 9. Oh ! Allez, bim ! C'est un scandale sans nom. Bravo, Steven, tu as bien mérité ta victoire. Voilà, merci. Donc, c'est ça le trophée de pervers avec la bite en or, c'est ça ? Voilà, c'est celui qui est à côté de Steven. Félicitations, bien ouais. Bravo. Non, moi, j'applaudis pas. En parlant de ça, j'avais ramené du saucisson, je ne sais pas où il est. Je l'ai rangé dans mon... Pardon. Tiens, je vais... Zaza va aller le chercher de ce pas. Alors là, tu peux aller te faire enculer, hein. Et donc, on est là de bonne humeur et de bonne aloi pour l'axe 2 qui concerne la place de la femme. Voilà. Donc la place de la femme dans la culture sexuelle japonaise, donc il y a évidemment beaucoup de choses à dire. On pourrait s'intéresser de prime abord, voilà, je parle avec un langage. Est-ce que tu vas parler du coup de la force de l'axe? La force de l'axe. Comment ça? L'axe et les alliés, c'est ça? L'axe et les alliés, ouais. Ah, ouais, une belle blague sur les nazis et les japonais. Bah Alexis n'est pas là. Alexis n'est pas là. Ouais, c'est vrai. Est-ce que je peux faire juste un petit préambule? Bah si tu veux. J'aimerais que pour une fois dans ce podcast, il y ait un petit peu de respect et un peu de dignité. Y a pas les femmes, elles avalent du foutre, etc. Oh, voilà. Bah, donc Clara et Florian qui sont dans le public. Clara s'est un peu opposée à ce que je viens de dire. D'ailleurs, on remercie et Clara et Florian de nous accueillir parce que on est toujours Surtout, on est toujours super bien accueillis. Alors qu'on souille les lieux, on fait chier, on squatte pendant des heures. Ouais, c'est vrai. Et on nous sert des gougères et c'est très bon. C'est vrai. Donc un peu de respect et de dignité, Stavros, c'est à toi. Mais à partir de quel âge tu estimes que elles sont souillables? Eh bien justement, alors... majorité sexuelle au Japon, c'est 13 ans. Très bonne question. Sérieux? Hors taxe? Oui, non, c'est 13 ans la majorité sexuelle au Japon. C'est 13 ans. Bah chez nous c'est 15. Hein. Oui, 15 ans et 3 mois. 13 c'est chaud quand même. À part dans Lyon où c'est 3. 13 c'est tendu. Bah c'est tendu parce que bah remarque c'est tendu aussi plate à 13 ans qu'à 18 ans donc c'est vrai que non, oh voilà non, bah non voilà non mais il y a eu une époque en France où 13 ans c'était aussi pareil hein. Tant qu'il y a du poil c'est légal quand les mariages les filles avaient 13 ans en donc, général il y a pelouse il y a match sérieusement ouais dans le respect et la dignité voilà donc on va passer tout de suite au troisième axe parce que je sens que ça s'annonce mal donc alors il y a plusieurs figure féminine dans la culture sexuelle du Japon. Il y a par exemple la plus connue, c'est les geishas. Alors les geishas, moi, avant de faire le podcast, je pensais que c'était des putes. Et en fait, pas du tout. Hey. Et en fait, pas du tout. Ce ne sont pas des putes. C'est idéal. Ça, déjà, geisha, ça veut dire femme artiste ou personne artiste. Voilà. Donc ça pose le truc. Ce sont en fait des. Bah, personne ne parle, disons. C'est l'art de l'érotisme. Même pas. C'est des femmes qui. Si. Un petit peu, c'est des au 18e siècle, 17e, c'est des confidentes pour la haute société qui devaient animer une conversation. Voilà, c'était un peu le pendant féminin du bouffon, mais en plus classe. Genre, elle devait faire des estampes, peindre, faire des poèmes, raconter des choses intéressantes, mais ou te caresser un peu les cheveux, ou pire, mais elle baisait pas. Oui, mais toujours dans une certaine esthétique, quoi. Alors, oui. Ouais, tu la vois pas se balader en string, quoi. C'est pas l'ambiance. Voilà. Non. Mais aujourd'hui, c'est encore ça. Hein. Les geishas aujourd'hui, ce sont les geishas traditionnelles. Et elles ont toujours le même kimono qu'au 18e siècle. Et donc voilà, elles ont toujours ce rôle où on... Le même qu'au 18e, mais elles l'ont lavé depuis ou pas? Je ne pense pas. C'est compliqué. Je ne pense pas. C'est vieille, non? Et surtout, aujourd'hui, tu les... Comme avant, tu les commandes pour une soirée. Ils viennent à plusieurs. Et tu payes au quart d'heure. Et ah donc oui, voilà, c'est elles des font... putes. Elles te servent le... Non. Elles te servent le... Justement... Le saké, elles font un peu de guitare, voilà. C'est des saltimbanques en fait. Elles font de la guitare comme en ça. En fait, moi je suis un peu geisha. En fait, voilà, tu es geisha en fait. Heureusement qu'on le paye pas au quart d'heure. On n'aurait pas pour notre argent. Ouais, sachant que c'était très répandu au 19e siècle. En 1980, il y avait 17 000, maintenant il n'y a plus que 200. Donc c'est un truc qui est en perte de vitesse. C'est un truc de luxe en fait, non? Ouais, ça a toujours été un truc de luxe en fait. Mais oui, ça l'est de plus en plus. Donc voilà, ce sont des femmes qu'on ne baisse pas, qu'on n'atteint pas, qui sont idéales et c'est un idéal de la femme pure quoi. Et elle on la souille pas du tout. Hein. Donc c'est pas du tout que la partie sexuelle, c'est genre c'est. Il y a pas de partie sexuelle. Non mais je veux dire, non, il y a une partie sexuelle dans le sens où il y a une certaine excitation parce qu'il y a une certaine esthétique. Alors. Mais c'est quand tu dis c'est le fantasme de la femme modèle, donc ça reprend aussi cette partie fantasme du couple, donc séparée de la sexualité aussi, donc c'est un peu tout en un quoi. C'est pas, elle est pas. Tu sais que tu vas pas la baiser ou tu fais pas ça rassemble les fantasmes du peuple japonais quoi par rapport à la femme dans sa soumission et dans son utilité quoi. Bah ouais et surtout j'ai vu un documentaire sur Arte je crois que c'était dans les carnets du Japon un truc comme ça où ils expliquaient qu'en fait à la base mais ta mère à la base ta mère était geisha et ensuite elle s'est dit ah pourquoi pas enfin, c'est de l'autre côté mais les geishas les katas de Paris c'est bien aussi les courtisanes japonaise était très demandée et elle pouvait te faire patienter pendant plusieurs heures, voire toute une journée avant de, voilà, d'accéder au service. Et du coup, les geishas étaient dans le même quartier et te faisaient patienter en fait, en te divertissant. Du coup, c'est vrai qu'il y a une forme d'excitation parce que c'est la femme qui te fait patienter en attendant de, voilà, de baiser. De quoi? d'aller voir les courtisanes. Définis. Je pense qu'on a compris. Je pense que c'est relativement clair. Et donc, elles ont cet aspect artistique, cet aspect un peu idéalisé. C'est vrai, quand tu les vois, c'est des statues, plus ou moins, quoi, qui se promènent dans la rue, et tu peux les prendre en photo, mais tu peux pas leur parler. Voilà, il y a vraiment une dimension esthétique. Après, on dit c'est des femmes artistes, et quand on dit c'est une femme artiste, on plaque un peu notre concept occidental d'artiste dessus, avec l'idée de création. Ça jongle, ouais, mais... ça crache, non, du non, feu. Alors, il y a l'art de vivre qui est élevé au... C'est un art de... C'est... Ouais, c'est non, un mais art je veux de dire, vivre. Dans le sens, elle sert le thé, elle fait voilà. ses duties c'est plus, de... C'est plus ses devoirs de femme classique, tu vois, genre... Pas, moi, pas, bon, ok, ouais. Démenti, ce fait... n'est pas ma conception de la place de la femme, je parle dans le ouais. fantasme de la femme parfaite dans une société archaïque, voilà. En gros, c'est comme si tu louais une maison témoin. C'est-à-dire que tu as la maison parfaite. Tu la loues, mais t'as pas le droit d'habiter dedans. T'as pas le droit d'éjaculer dedans. Comme, comme dans la maison. Voilà. Non, mais voilà, elles ont ce statut d'artiste, mais il faut savoir que artiste, en fait, c'est vraiment ce que nous, on appellerait des techniques, en fait. Mmh. C'est l'art de servir le saké, l'art de faire le thé, et même la guitare, par exemple, il est hors de question. Enfin, c'est pas la guitare, mais c'est la guitare japonaise, c'est pareil, il y a moins de cordes. Mais elles... Il est hors de question, par exemple, qu'elles inventent des chansons ou qu'elles composent quelque chose. C'est des musiques traditionnelles et tout ça. Mmh. Donc voilà, elles ont un aspect de... Oui, donc l'aspect traditionnel est très fort globalement, quoi. Oui, oui, oui. C'est... Et d'ailleurs, dans les années... Je crois que c'est dans les années 20-30 où elles étaient concurrencées par justement les serveuses dans les bars dont on parlait tout à l'heure. Les maid bars, du coup. Ouais. Les soubrettes. Et du coup, elles ont essayé de se mettre à des trucs beaucoup plus modernes, changer les kimonos et tout ça, pour essayer de faire un peu de hype. Mais aujourd'hui, ce qui marche, c'est la tradition, quoi. Mmh. En même temps, elles sont plus que 200, donc c'est un truc qui est beaucoup moins répandu, quoi. Tu veux l'expérience traditionnelle. Ouais. Quand tu recherches une geisha, c'est pas. Voilà. Voilà. Voilà, donc il y a les geishas qui baissent pas. Alors, après... je pense qu'il fallait en parler des geishas parce que c'est pas de la sexualité, donc normalement ça rentre pas dans notre sujet. Mais en tout cas, en Occident, pour nous, c'est un peu la figure de la prostituée modèle. Sauf que. En fait, non. C'est intéressant de poser cette figure en avant parce que, bon, là, donc cette partie est consacrée à la place de la femme dans le sexe au Japon. Et du coup, là, tu vois, justement, on est dans tout ce qui est. Enfin, ça concentre toutes les parties des représentations de la femme qui sont hors du sexe, justement, en fait, la geisha, c'est ça? Finalement. Oui. Ouais, merci Stavro. Oui, non mais tu as raison. Mais c'est vrai qu'en plus quand tu vois les geishas dans les soirées, voilà, tout est hyper maîtrisé, tout est hyper chronométré, les filles elles sont coiffées, voilà. Le kimono, il y a une certaine manière de le mettre et donc on a une sorte de comment dire? On est à l'opposé du koi en fait, on est à l'opposé de ce concept qu'on décrivait de passion fusionnel qui est vraiment dans l'instantané et qui s'exprime directement de ouais. pulsion. Là, on est dans un truc calculé, maîtrisé au ouais, millimètre. Ouais, tout est vraiment maîtrisé. Et ouais. C'est vraiment à l'opposé en fait de ce concept au centre du sexe que décrivait donc Agnès Giard en fait. Ouais. Et donc on est dans cette femme un peu parfaite, mais elle est tellement parfaite et tellement maîtrisée que c'est une figure de la soumission de la femme, la geisha. Parce que tu la payes, c'est une artiste, mais tu la payes pour les qu'elle ait. Ils sont tous des vendus. Non mais tu la payes pour qu'elle ait certains rôles et certains. Tu vois, faut qu'elle te serve ton saké déjà. Elle est parfaite et elle est à ton service. Donc et en plus tu arrives à soumettre pas. Tu arrives à soumettre la perfection avec ton argent. C'est-à-dire que elle est parfaite. Toi tu payes. Elle est à ton service. Donc quelque part en gros ça flatte l'ego vraiment du. Bon c'est tout ce que les Japonais sont un peu les Juifs de l'Asie de toute façon. Wow. Ok, ça sera censuré. C'était pas mal ce que disait Douy. Pourquoi t'es obligé de salir? Pourquoi t'es obligé de souiller? Longtemps que j'avais pas parlé. Pour une fois que je disais les choses bien. Moi ça m'a flu hein. C'est tout ça part en fumée. Alors on va parler des geishas, on va parler des putes. C'est alors... encore. Mais arrête avec ces transitions de merde. On t'a déjà dit. On a parlé de ça, alors maintenant on va parler de ça. Et puis après on parlera de ça. Parce qu'on pensait que la geisha était une pute en fait. Non, bah parlons des vraies putes. Ah voilà. Bah voilà, ah c'est bah transition. Voilà. Donc les vraies putes. Alors il y avait au 18e, 17e, tout ça, des catégorie de prostituées. Il y avait les prostituées classe qui avaient des noms spéciaux et tout et qui faisaient si t'avais beaucoup d'argent elles avaient la chatte propre quoi. Et il y avait les prostituées un peu moins classe, un peu les mères Michel, enfin les mères Chang voilà, qui elles étaient un peu des marchandes de poissons. Donc il y a toujours eu une hiérarchie même dans le monde de la prostitution. Ouais, mais qu'est-ce que ça nous dit? Parce qu'on a quand même une partie qui à la base s'intitule la place de la femme par rapport au sexe au Japon. Donc qu'est-ce que ça et nous bien, dit ça sur la nous place dit, de la femme? Toi tu arrêtes de faire le malin, t'as un truc à dire sur les prostituées? Non. Alors, tu fais pas le malin. Ce que ça va nous dire. Ah oui, non, les gens, attention, ça rigole plus. Ah mais non, ça rigole pas, hein. C'est sérieux. Ce qu'on peut en dire, c'est que je sais pas, tu m'as perdu. J'avais une phrase, je l'ai plus. D'accord. Bah, très bien. Non mais en tant que les prostituées elles ont la même place à part chez nous. En fait il n'y a pas déjà tout le tabou qu'il y avait. Parce que la prostitution a souvent été légale et contrôlée. Il y avait, c'était une source de revenus assez importante pour les shogunats. Et du coup il n'y avait pas tout ce tabou qu'on avait pu avoir chez nous, d'hygiéniste et tout, genre c'est sale, c'est pas bien. Là-bas il y avait des putes, bah c'était bien, voilà. Oui mais les putes chez nous, étaient quand même considérées comme des objets. C'était pas comme on peut le considérer maintenant dans certains pays où la prostitution est légale, où t'as des femmes qui s'assument et qui font le choix de faire de la prostitution. Ouais, mais non, mais là c'était organisé du coup par le shogunat ou en voilà, c'était quand même des objets d'hommes, donc c'était quand même une femme soumise. Ah oui, on est d'accord. Alors justement dans le documentaire dont je parlais sur les geishas disaient qu'elles avaient certes cette figure de soumission, mais pour elles c'était une manière d'être libre, parce que avant les geishas, comme les prostituées, étaient achetées à des familles pauvres pour devenir geisha ou prostituée. Aujourd'hui, c'est les jeunes filles qui décident de le devenir. Et pour elles, c'est libérées, délivrées. Voilà. Mais ça reste une minorité. Là, on essaie de dresser des tendances globales. Non, mais c'est une minorité. Globales, mais aujourd'hui, ces femmes soumises disent que c'est leur seule manière d'être libre. Parce que au Japon, une femme qui travaille, c'est pas forcément bien vu. Encore que ça change. Mais du coup, elles sont toujours soumises à l'autorité d'un homme. Ouais. Bon, peut-être, là, peut-être qu'on peut parler un peu de Shibari, du coup. Parce que c'est intéressant à ce niveau-là. Moi, on parlait prostituée, là. Donc, tu t'en fous, en fait, de ce que je dis. Oui, complètement. Ok. Très bien. Bah, parlons de Shibari. Pourquoi pas. Bah, moi, j'avais un truc rigolo. Du coup, j'en parle pas, c'est bah, ça. Bah, si, vas-y, on vas-y. On faire rire les gens. Allez. On veut que des trucs. Oh, la place de la. Allez. Alors, écoutez. Moi, j'ai une liste des différents bordels japonais. Ah bah voilà, là on se retrouve. Donc là, la place de la femme, je liste les bordels japonais. On reste très ouvert, très féministe, Simone de Beauvoir, le vagin qui parle, voilà. Alors, il y a par exemple le Sopland, donc le monde du savon, où il y a des bains où des clients sont lavés, massés et ont des rapports sexuels avec des prostituées. C'est bien quand même, la douche et la pipe. Bah moi je préférais qu'on me lave après qu'avant, mais bon. Ah mais c'est un peu les préliminaires, tu vois. On avec un tonfa, on te fait comment ça s'appelle les trucs là, les tonfa, c'est les matraques de flics. Pas comment ça s'appelle du coup. Alors si tu te fais masser avec un tonfa, si tu veux la prochaine fois on essaye, tu vas m'arrêter très rapidement. Rappelons que Dewey est flic. C'est quoi ton safe word du coup? Est-ce que t'as déjà fait des massages au tonfa? J'ai déjà fait. Mon safe word c'est arrête pitié. Je crois que c'est pitié le mot. Pitié. Quand le mec, sinon c'est voilà, quand il tombe inconscient, on commence. Okay. Après, la fistinière, c'est quand il hurle que ça commence. Est-ce que c'est répandu chez les filles si on dit pitié, il s'arrête? Non. Ah ok. C'est un mot en fait, je comprends pas. Il y a ensuite après le fashion health massage, où il y a du coup une vaste gamme d'actes sexuels, mais sans qu'il y ait coït pour respecter la loi. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure, du coup, si on pénètre, c'est pas légal, mais si on fait le reste, c'est pas grave. D'ailleurs, il faudra faire la partie législative, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ah, mais ça, une chronique juridique, et tu pourras enchaîner derrière, ce sera le quart d'heure des lois. Il y a aussi comme type de salon, évidemment, l'image club, c'est simplement, où en fait, bah, c'est juste. Les prostituées portent des vêtements suggérant une profession donnée, donc chirurgien, soubrette, écolière. Donc voilà, donc c'est pas comme les fashion health où il y a des massages. Mais ça, c'est un métier, écolière ? Bah, c'est un métier d'être fausse écolière et après de se faire baiser, oui. Oui, mais ça, c'est répandu partout, quoi. Tu regardes dans tout l'imaginaire de tout le monde, enfin, je veux dire, de n'importe quelle nation ou culture, il y a ce côté uniforme que je trouve assez triste au final. Bah là, il y a des salons. Moi, je kiffe. Là, y a parce que justement, j'ai un uniforme. Il y a des lupanards spéciales pour les uniformes. Ouais, mais l'uniforme, c'est un peu la manière de. Tu vois, d'être sûr de ce que tu fais. Parce que l'excitation générale pour l'uniforme d'écolière, alors que, par exemple, dans notre pays, il n'y a plus d'uniforme d'écolière, c'est un peu une manière d'être sûr que tu es en train de baiser une écolière. Et je trouve ça grave triste, voilà. Je vous le dis, les Japonais qui... Tu baises beaucoup d'écolières, dis-moi. Pas en uniforme. Prends note. Et il y a enfin, pour finir, du coup, les télécouras. C'est juste, on te donne des numéros de téléphone, après tu peux appeler des meufs. Et ça se fait aussi pour appeler des jeunes mineurs, mais on en parlera pas trop. Mais il existe au Japon, on en parlera peut-être après avec les écolières. C'est légal ? On en parlera. Il y a tout un fantasme avec les jeunes filles et les écolières, voilà. Oh oui, on en parlera. Bah, du coup, on peut en parler dès maintenant, parce qu'on peut parler essayer de parler de cette figure de la femme soumise qui fait fantasmer au Japon, justement. Donc, la prostitution en est un exemple et, donc avec tout ce qui est Gokun, Bukake dont on parlait tout à l'heure et tu dis ça avec une telle prestance que c'est presque beau. On dirait des concepts philosophiques, quoi. Comme le Bukkake ou le Goku. Le, voilà. Et le Dasein, évidemment. Comme, comme disait ce bon vieux Nietzsche. Donc oui, même les cafés de soubrette dont on parlait tout à l'heure, donc ce fantasme japonais de la femme soumise, de la femme qui est pure, quoi, et qui vient se faire souiller, quoi, d'une certaine façon. Il y a aussi la version masculine avec des butlers café où c'est les hommes qui sont au service des femmes. Des butlers café, ouais, comme Judith Butler ou pas du tout? Non, comme Black Butler, Kurosei Tsuji dans sa version originale. J'ai pas compris, mais d'accord. C'est un animé ou un manga? Ah d'accord. Mais alors, je rebondis vite fait, c'est intéressant. Non, rebondis. En fait, aussi, il y a le fait de donc avoir une femme pure qui donc est souillée par l'homme, c'est aussi l'homme qui l'autorise ou qui l'a lui à elle, elle lui fait passer ce cap. Exactement. Elle, lui a le pouvoir de transformer cette âme pure en quelque chose qui voilà. Voilà. Et c'est là qu'on peut parler de Shibari, parce que c'est là que c'est vachement intéressant. Alors, je veux juste on a dire... un spécialiste non, autour de la table. Il a même une mallette spéciale en la, corde. La fameuse mallette. Et donc, est-ce que j'ai déjà raconté cette histoire de la mallette? Raconte. Parce qu'il faut savoir que Stavro est persuadé que je dispose dans ma possession d'une mallette contenant des cordes et autres accessoires BDSM. Et en fait, c'est pas une mallette, c'est un sac. Et non, c'est une cave entière. Et plus je lui disais, c'était une fameuse soirée où Zaza était là, plus je leur disais que je n'avais pas de mallette, plus ils prenaient ça comme un signe que j'en avais une. Donc maintenant, c'est ancré dans leur esprit que j'ai une mallette BDSM. Et voilà. Mais je voulais juste moduler... Il arrête pas de démentir, on sait tous que c'est vrai. Oui, c'est voilà. C'est ça la mallette Leroy Merlin. Hein. Je voulais juste ajouter un petit truc, c'est que ce fantasme japonais de la femme soumise, c'est un peu un fantasme répandu dans les cultures, quoi. C'est un peu la domination masculine... dans tout ce cas-là de Bourdieu. Exactement. De on plus sale. On a pas expliqué ce que c'était que le shibari du coup. Eh ben vas-y explique. Je laisse pas ça aux spécialistes. Vas-y explique. Mais je suis pas bon. Ok. C'est tu avec pratiques, mes mots... mais très peu quoi. Voilà, c'est, exactement. Je suis amateur. Non, c'est l'art de faire de procurer du plaisir à la femme. Oui. D'une certaine façon, en l'attachant. C'est ce qu'on dit. En l'attachant en fait avec des nœuds très spéciaux et tu la suspends en l'air avec des cordes, en fait, tu lui t'appliques des pressions plus ou moins fortes sur différentes Alors, parties du corps. Il n'y a pas toujours de la suspension, parce que la suspension est un truc, comment dire, un peu spécial dans le shibari. Ok. Mais, enfin, c'est un genre, en fait. Mais il y a après, du... Après, le mec n'a pas de mallette. Oui, j'ai le droit d'être cultivé sans pratiquer. Culture-nous. Et donc, c'est juste le fait d'attacher, mais contrairement au bondage américain, les liens ont une forme artistique. Ouais, tu vises pas à faire mal en fait. Tu vises pas à faire mal, tu vises. Parce que ça soit beau. Tu vises quand même. La saucissonne comme un rôti. Tu vises quand même à l'immobiliser et voilà, il y a un jeu de pouvoir évident. Mais c'est esthétique. Mais avec une esthétisation de la chose. Parce que les nœuds sont beaucoup plus complexes que dans le bondage américain. Mais... Apprendre le shibari, c'est très compliqué alors que. Bon, apprendre le bondage, c'est compliqué pour des questions pas de. Pas qu'on meurt. Voilà, pour des questions de sécurité. Mais le shibari est plus complexe pour des questions techniques. Il y a un autre documentaire qu'on a vu du coup et dont on n'a pas parlé, donc le documentaire de TV5, donc une chaîne canadienne, qui s'appelait Le Sexe Autour du Monde, édition Japon, où ils interviewaient justement un maître shibari. Et c'était vachement intéressant parce que le mec, il disait que... Un shibariste. En fonction des... Je suis pas sûr. En fonction des pressions appliquées sur la corde, le mec pouvait diffuser plusieurs sentiments. S'il tirait, c'était plus la passion, ouais. La douceur, la... Tu as le Captain Web qui en a reçu un dans un apéro. Il était très chiant d'ailleurs. Non, j'avais bien aimé. Non, il était très chiant. Ouais, c'est Dr. Phil, je crois. Et ouais, c'est, il se prenait vachement pour. Enfin bref, on l'embrasse. Et oui, donc. Mais ça va avec le truc. Tirer un peu sur la corde. Quoi. Le truc asiatique et peut-être japonais, je suis pas spécialiste, mais des points d'acupuncture. Pourquoi tu dis c'est pas c'est spécialiste chinois, ça. Je suis pas spécialiste de l'acupuncture. Ah, mais, c'est chinois. Je crois que c'est chinois. Ouais. Ok. Bon, mais c'est asiatique. C'est asiatique. En même temps, les japonais ont tellement vu les chinois que c'est un peu pareil. Allez. La Mandchourie. On sait pourquoi on y va. Pardon. T'as un chant traditionnel japonais, bien sûr. Le chansonnier de l'extrême. Donc voilà, le shibari, c'est quand même. On parle d'esthétisation, tout ça, de points pour procurer du plaisir à la femme. C'est quand même, à la base, l'attacher. Mm-hmm. Et le shibari, à la base, n'est pas une pratique sexuelle, mais une pratique martiale. C'est vrai. Ouais, c'était des techniques pour lier des prisonniers. C'est des techniques de ninja. C'est des techniques de ninja. Putain, on a mal fait notre boulot. Bah ouais, grave, j'en merde. Ai. Pendant la FK7, donc on a fait un truc sur ninja contre pirate. Étant dans la team pirate, je n'ai rien dit sur le shibari parce que bon, les pirates sur le shibari, ça se fait plus voilà. Bah au cordage, pourquoi pas. C'est vrai, hein, au cordage, ouais. Merde. Ouais, mais à mon avis, il y a moins de dimensions esthétiques. Et au niveau nœud, je pense qu'ils sont plus calés que les ninjas. Ouais, mais par contre, une femme sur un bateau, c'est interdit. Ah, ça porte malheur. Bon, bah après, il pouvait faire du shibari entre mecs, mais. En tout cas, ouais, à la base, c'est un art martial, le shibari. Donc, D'ailleurs, Simon, cinquième Dan. Quoi, t'essayais de faire parler les espions en les attachant? Non, ou... tu les attaches juste pour pas qu'ils se barrent, mais comme c'est. Tu les attaches bien. Tu les attaches bien. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'anabuta? Tant qu'on parle un petit peu de BDSM et de machin. L'anabuta, non. Je cherchais une blague, mais j'ai pas. Bah, vas-y. Est-ce que tu peux lire mes notes, s'il te plaît? Parce que, donc, du coup, j'ai trop honte. Anabuta. Littéralement, nez de cochon. Oh non. Ah oui, si, je connais. Il avoue, il admet. Oui, mais parce que je suis cultivé. La première fois que j'ai entendu parler du crochet nasal, c'était lors d'une conférence sur la sexualité au Japon. Le crochet nasal, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une pratique affiliée au BDSM qui permet littéralement de mener par le bout du nez son esclave. Cela consiste à crocheter les narines de manière à les maintenir grandes ouvertes, ce qui serait considéré comme le summum de l'humiliation. Oh putain. Voilà, on admire ta culture quand même. Bah, c'était note, excuse-moi. Mais donc oui, bah là, on a clairement une figure de. Tu parles d'humiliation, de soumission et de. Donc la femme n'est pas. Mais est-ce comment que dire, sur un piédestal. Est-ce qu'on n'essaie pas d'humilier la femme pour se retrouver en tant qu'individu, puisque c'est une société où il n'y a pas d'individualité? À mon avis, c'est juste. Ah, je pose la question. Je lance un pavé dans la mare. Bon voilà, un maquis dans. Bon. Je crée un tsunami dans la sauce soja. Et voilà. Est-ce que c'est pas s'infirmer en tant que personne que de attacher quelqu'un pour dire c'est moi le chef et ouais j'existe? Moi je pense que c'est être un enfoiré, mais après si pour toi être un enfoiré c'est s'assumer en tant que personne, je n'en doute absolument pas. Zaza n'a pas d'avis sur la question. Non, j'ai pas d'avis sur la question. Enfin, pour moi, c'est. Pourtant, j'ai essayé de rendre ça intellectuel. Tu as remarqué? Oui, oui, j'ai remarqué. J'apprécie l'effort. Bon. Mais j'ai pas d'avis particulier sur la question. Mais voilà. Enfin, pour essayer de rassembler tout ça, on a énormément d'exemples. On a toujours pas le rôle de la femme, hein, parce que là, on parlait énormément de soumission, si, de pute, si, de geisha, bah, mais. Soumission, ça fait partie du rôle de la femme. Je suis désolé. Ah, oui. Alors, moduler un petit peu. Non, mais dans les. Dans l'inconscient collectif sexuel japonais. Voilà. Bon, ça va de soi. Mais on n'a pas parlé aussi du phénomène des jeunes filles qui s'habillent avec ces uniformes d'écolières et tout dans la rue, qui essayent de enfin ces esthétiques. Lolita. Oui, voilà. Dire comme Elisée, que beaucoup de filles dans les quartiers branchés, Shinjuku et Akihabara, je crois, et les quartiers de Tokyo, essayent de ressembler à des héroïnes de manga et du coup de créer le fantasme en ressemblant à des mecs, des meufs qui n'existent pas, quoi. Parce que c'est pas Moon, pureté, ça existe. Ça excite plutôt. Ça excite cette idée de pureté, en fait. C'est ça le truc. Alors, il y a un truc intéressant de le fait de juste se nommer Lolita. C'est que c'est se grimer en fille de manga, si tu veux. Mais c'est pas vraiment du cosplay, mais en type manga. Mais Lolita, pourquoi ce nom? Ça vient d'un roman de Nabokov qui parle de pédophilie. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment une obsession pour les jeunes filles au Japon, pour les écolières, du coup, qui vendent leurs culottes sales ou qui font du... Elles sont pas sales. Non. Oui, bon, elles sont portées et un peu sales. Je sais que tu en as, mais quand même. Elles font aussi des rendez-vous compensés. C'est juste comme ça qu'on appelle la prostitution infantile. Hein. C'est on sort ensemble, tu me payes, comme ça j'ai de l'argent de poche et parfois on baise. Parce qu'il faut savoir que... Alors j'ai des petites notes, attention. Pour les jeunes tu filles, as les tarifs. C'était ceux de l'an dernier. Jusqu'en 1997, à Tokyo et Nagano, le sexe avec des mineurs était pas illégal. Ils ont passé une loi en 1997. Ils ont 30 ans d'avance. 97 ? Ouais. Et la pédopornographie a été interdite en 2003. Ah oui, ça j'ai vu ça. Quand même. J'aurais plein de choses à vous dire là. Tout en sachant que, alors la pédopornographie est interdite, mais il se vend en vente libre au Japon des albums avec des photos de petites filles, des photos, mais dans des positions suggestives, mais pas nues, en sous-vêtements. Ah voilà. Donc ça reste de bon goût. Ça reste de très bon goût, voilà. Et du coup voilà, ça vend des culottes sales, etc. Et ça a encore les sorties compensées, donc les meufs qui baissent pour avoir un peu d'argent de poche, ça existe encore pas mal. Parce que je reviens sur le sujet. Vas-y, reviens. Alors après les écolières ou les jeunes filles qui veulent se grimer en héroïne de manga, problème, c'est que les dessinateurs de manga font rarement des jeunes filles avec les yeux bridés. Dans les mangas, elles ont souvent des yeux à l'occidental. Donc c'est un vrai problème pour les japonaises qui n'arrivent pas à avoir le même visage que Sailor Moon. Du coup, il y a des chirurgies qui se font. Exactement. Et il y a aussi ce que font très, très souvent les japonaises, c'est des photomatons, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom spécial. Où après les cours, tu prends des photos avec tes copines et c'est trop cool. Mais j'en ai fait en plus avec Alpon et Misaki. Les pulikula. Les pulikula, exactement. Et t'as des effets pour rendre les yeux à l'occidental aussi. Voilà. Mais alors, c'est au mariage d'Alexis. de Misaki, c'était génial. Non, sérieux, bon, il était 3h du mat, on était déchirés, c'était génial. Donc il vous conseille les Poulicoula. Mais cette figure de la jeune fille, de l'écolière, tout ça, c'est, je suis désolé, mais encore une figure de soumission. Ah oui, oui, non, mais c'est parce parfaitement que... une figure de soumission, on est complètement là-dedans. Dans le documentaire que je citais tout à l'heure, la TV5, il y avait une personne qui était interviewée, je sais plus ce qu'elle faisait dans la vie. Je crois que c'était la meuf qui travaillait au donjon SM et qui disait. Et qui disait qu'en fait, la figure de la. La comment figure elle s'appelle de... je sais plus, je m'en demande trop. Pas grave. La figure de la femme, en fait, qui désire le sexe, qui est en quelque sorte pervertie, qui n'est pas pure, ça n'excite pas les Japonais, tu vois. Ce qu'il faut, et c'est là un deuxième aspect dans cette soumission, mais qui est complètement relié, c'est que la femme soit attraite contre son gré à aimer le sexe, en fait, à désirer yamete le sexe. Voilà, yamete, le fameux. Et ça, c'est dans tous les hentai, dans tous les pendant japonais. Jamais tu vois une meuf qui dit je veux plus de foutre. La meuf, elle, on dirait que tu la violes. Elle était non, je veux pas, c'est pas bien et tout, mais elle continue. C'est porno et hentai quand même. Hein. C'est la même chose. C'est le même scénario, ouais. Ouais, mais tous les hentai du monde ont le même scénario. La meuf veut pas. On la baise 20 minutes, après elle est accro au sperme. Et c'est le mec qui l'a rendu comme ça en la baisant assez fort. Alors, je me rappelle d'une scène de Princesse 69, bon, que je vous recommande. Hein, non, c'est vrai, c'est vrai. Où tu as donc un espèce de blackmailing, tu vois, genre, ouais, je t'ai vu en train de faire ça, si tu fais pas ce que je te dis, là, là, là. Et il y a un concours de pipe. C'était formidable. Hein. Vraiment, je vous encourage à regarder ce magnifique hentai. Voilà, bon, bref, je vous en conseillerais durant ce podcast. Mais du coup, voilà, même dans le hentai que tu dis, on fait chanter la personne pour la forcer à sucer parce que la meuf, ça va pas venir d'elle-même qu'elle veut baiser. Et quand les meufs dans les hentai veulent baiser, c'est des démons ou des anges. Voilà. Il n'y a pas que baiser d'ailleurs, il y a d'autres choses. Voilà, beaucoup de, elles adorent le fluide, etc. Se pisser dessus, il y a plein de choses. On va en parler plus tard. On en parlera. L'euromachie. Mais donc voilà, la soumission, ça implique aussi, comme tu le dis, que on la soumet tellement bien qu'elle aime ça. C'est le syndrome de Tokyo. Moi, je voulais juste faire un point de, comme tu disais tout à l'heure. C'est beau quand tu parles de relativisme culturel. On parle de la femme qui serait maltraitée et soumise au Japon. Globalement, c'est pas forcément mieux ailleurs. On parle juste de figures, pas de réalité. C'est des figures culturelles. C'est pas mieux ailleurs, d'accord, mais il y a mieux ailleurs. C'est quand même ce particularisme du Japon, c'est quand même cette idée de pureté souillée. Parce que c'est vraiment, quand tu vois les films typiques porno américains, c'est vraiment la femme qui en veut, la femme assumée dans sa sexualité qui va rechercher volontairement le truc sale, tu vois. Alors que là, c'est vraiment contrainte et forcée, oui, oui, qui finalement finit par accepter son désir, mais c'est complètement différent. Et dans le reportage L'Empire des Sangs, il y a un étranger qui dit qu'il a été choqué parce que les meufs à qui il a couché au Japon, elles lui disaient non, arrête. Et il dit bah j'arrête ou pas, bah non, arrête pas. Et juste, mais elle lui disait arrête. Voilà. Ce qui est marrant, c'est la contradiction avec ce qui se passe souvent en France, c'est-à-dire que souvent, bon, moi je suis dans un univers très masculin, hein, je veux dire, c'est bon, voilà, et c'est souvent les coulisses du commissariat, chier la grosse machin truc, puis là t'as le téléphone qui sort, c'est allô chérie, oui, j'arrive, et voilà, donc c'est très très drôle de voir en fait l'alternance des cultures au Japon où justement l'homme veut absolument soumettre et elle dit non, mais elle veut quand même. Et en France, c'est souvent attention, le mec fait ouais machin. Ne sortez attention. Pas du contexte la phrase. Elle dit non, elle veut quand même. On parle juste des Japonais. Et là, en France, c'est voilà. Un site au viol. C'est pas un conseil pour la vie. Ouais, de toute façon, non, c'est moi le macho. Oui, chérie. Non, je voulais dire un truc intéressant, mais là, je ne peux plus. Allez, il a bu trop de Chivas. On t'écoute. Non, c'est que c'est un univers trop sale. Non, parce que vous savez, je vais retrouver ce que je voulais dire. On parle là de réalité sociologique. Universal Pictures. De réalité sociologique de la femme qui dans l'Occident soumettrait l'homme, et chose dont je doute quand même, mais au Japon c'est pareil, dans ce documentaire L'Empire des Sons dont on n'arrête pas de parler, tu as des parts dans ce documentaire. Oui, exactement. Sans référence pour la FK, c'est tout. Voilà, le mec qui va dans les cabines à branlette, justement, il veut pas rentrer parce qu'il a un peu peur de sa femme. Et il a plus peur, pas de la femme, mais du couple, en fait, de toutes les obligations qui sont menées par le couple. Mais voilà, nous on parle vraiment de figures, de la représentation culturelle. Et est-ce qu'on a, c'est là que j'ai une question, est-ce qu'on a une sorte de femme dominatrice ou de femme fatale, comme on peut avoir chez nous la femme fatale qui, au moins depuis le 19e siècle, est une vraie figure de la sexualité. Il y a quelques figures de rebelles, de femmes fatales, mais elles ont toujours un petit côté timide si tu creuses un peu, quoi. Mais elles peuvent avoir un extérieur de femme fatale, oui. Mais c'est d'accord, moins c'est répandu. C'est pas ce qui excite dans l'imaginaire. De un, c'est moins répandu, et deux, elles sont pas que ça. Et j'aimerais juste faire un autre point. On parle vraiment de... On fait des généralisations, bien sûr que les Japonais ne sont pas tous comme ça. On parle c'est pas oui, que c'est, des putes. C'est non, des on figures, parle de fantasmes. C'est des figures, des fantasmes, c'est pas la réalité. Hein, voilà, merde. Merde. Est-ce qu'on a une autre figure comme ça de Moi je n'en ai plus. Il y avait les écolières, les geishas et les puces. Les écolières. Alors les écolières dans le hentai, c'est un genre à part entière. Enfin, pas, c'est pas forcément les écolières, mais c'est les ouais, enfants en tout cas. Et c'est très manifesté dans le lolicon surtout. Le lolicon. Non, alors le lolicon, c'est que... encore à part. Le lolicon, du non, coup, c'est des hentai. Non, c'est pas à part. Avec, non, c'est, pour moi, il y a les schoolgirls et les lolicon. Le lolicon, c'est des enfants dans un hentai qui ont 8-9 ans. Bah écoute, moi j'ai vu un. À 8-9 ans, t'as même pas d'uniforme scolaire. Non, mais regarde, je suis désolé. Sailor Moon moi, j'ai un vu uniforme juste... d'écolière. Mais Sailor Moon, c'est. Pourtant, c'est Magical Girl. Attends. Moi, je te cite, attends, je le retrouve. Parce que je me souviens plus du nom. Sakura. Kodomo Nojikan. C'est le seul lolicon que j'ai maté du coup pour préparer la FK. Mon cerveau s'en porte très bien, merci. Et c'est justement c'est l'histoire d'un prof de 20 ans dit. Qui arrive dans une école primaire où donc les petites filles donc de 8 ans, 9 ans sont en uniforme effectivement. Et il les mate en train de se changer à poil dans la salle de sport. Et elle lui suce le doigt parce qu'il s'est coupé le doigt sur un truc. Et elle dit Maître, s'il vous plaît, baisez-moi. Tout bon. Voilà. C'est des hentai pédophiles. Et mais pour moi, du coup, il y a les lolicons et les écolières. Pour moi, c'est pas pareil. Et bah, il y a des lolicons écoliers. Alors, quel est le penchant allié l'utile à la guerre. Ah tiens, on va voir un quiz parce que moi aussi, je peux faire le quiz. Donc tu as les lolicons et quel est le penchant? Ne regarde pas toi. Je sais, le shotacon, c'est ça? C'est ça. Le shotacon, c'est. Moi, les spécialistes. Hein. C'est lolicon. Du coup, c'est des petites filles. Des petites filles et le shotacon, c'est des petits garçons. Bien sûr, parce que c'est important de varier les plaisirs. Alors moi, j'ai regardé un lolicon aussi. Mon cerveau ne s'en porte pas forcément bien. Ah oui. Parce que alors le lolicon, je crois dis-moi que c'est bien catégorisé, c'est entre 7 et 17 ans. C'est plus 7 que 17 d'après ce que j'ai oui. vu. Moi j'ai regardé un lolicon. C'est plus 7 que 77 quoi. Un lolicon qui s'appelle Angel Core. Alors les tags c'est non censuré, bondage, jeu érotique, lolicon, militaire et torture. Ah, pour donner un peu le ton du truc, bon c'est assez spécial et faut savoir qu'au Japon, c'est légal. On peut représenter des mineurs dans le cadre de la fiction. Partout ailleurs dans le monde, c'est plus ou moins interdit. Par exemple, aux États-Unis, c'est expressément interdit. En France, il y a un flou autour du lolicon, parce qu'on a un flou autour de la notion de... Sac à Vinimati. Voilà. De la notion de pédophilie ou de pédopornographie sur la question de la fiction. Puisque dans la loi française, il est écrit que c'est interdit de représenter l'image d'un mineur. Et tout le débat porte de savoir si c'est l'image d'un mineur réel ou si l'image d'un mineur fictif rentre dans le cadre de la loi. Mais il y a un flou et je ne vous conseille quand même pas d'avoir du lolicon sur vous. Donc on parlait de lolicon parce que ça illustrait cette figure de la pureté, de la soumission souillée. C'est toujours la même chose. Oui. Ouais. Voilà, c'est toujours la même chose. Japonais, toujours même après chose. La soumission des enfants, bon, c'est très voilà, faut savoir jouer avec les limites quoi. Ou ne pas savoir. C'est tout aussi bien. On s'en porte mieux. Ou s'en garder. Voilà. La FK s'oppose à la pédophilie. Ça, c'est un bel engagement. Ah oui, non, mais ça, c'est un bel engagement. La podophilie, on est contre la podophilie. Ça existe vraiment la podophilie. Oui. Ouais, fétichisme des pieds. Tu m'as enlevé un fétichisme. Bah évidemment, fétichisme des pieds tout de même. Donc voilà, la place de la femme au Japon dans l'inconscient, c'est une femme. En fait, soit la femme concrète, il y a un devoir de l'aimer. C'est que il y a le poids de la tradition et des codifications dont on parlait au début, où il y a quand même un certain respect de cette femme en tant que elle appartient à un genre social. Mais dans les représentations, en tout cas culturelles qu'on a. Du coup, après dans les fantasmes, ça part en couille pour faire un contrepoids. Ouais. Et là, du coup, le mec, il veut être. Il veut vraiment se soumettre pour se sentir exister. C'est ma théorie psychologisante de merde. Voilà. C'est très beau. Tu comptes écrire un livre ou comment ça se passe? Est-ce que vous avez d'autres figures de la femme à présenter devant le tribunal ou pas du tout? Je regarde mes notes, mais je ne crois pas. Moi non plus. Louis, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je sais l'arrêter. Très bien, merci Louis. Du coup, là, on va passer. Parce qu'on a parlé, on a dit que c'était un peu légal au Japon de montrer des enfants. Mais du coup, on va voir ce qui n'est pas légal au Japon. Grâce à la mise à ça et à sa chronique juridique. Et là, on a un petit paradoxe quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez fort de café. On va voir ça tout de suite avec la rubrique de Zassa. Oh yeah. Tu peux dire des trucs dessus. Come on. Chez nos amis nippons, nous savons maintenant qu'au commencement était le sexe. Mais l'impudeur des mythes fondateurs, l'époque où les dieux bienveillants parsemaient le monde de leur foutre fertile, est aujourd'hui bien révolue. En effet, cher amateur de tentacules et autres jeux télévisés où papa cherche à deviner s'il lèche le cul de maman ou celui de son voisin de palier Stéphane, tu as sûrement dû remarquer un obstacle fondamental à ton plaisir obscène. J'ai nommé la fameuse mosaïque. Et toi qui pensais que cette douloureuse visite de sixième avec cette connasse de Madame Michu au musée de l'histoire antique était ta dernière confrontation avec cette saloperie de mosaïque. Tout ça pour la voir revenir au moment de s'enquiller un petit doujinsi pépouze, cachant ainsi le vagin animé d'un Magikarp se faisant pilonner par un Pikachu en rut. Mais merde, pourquoi cette mosaïque? Pourquoi cette censure au bon goût, à l'expression de l'art? T'es-tu certainement insurgé, et à raison à ce moment-là. On touche pas Pikachu. Eh bien, figurez-vous que cette censure prend ses racines dans le code pénal japonais de 1905, qui prévoyait à son article 175 que toute personne qui distribue, vend ou expose au public des documents, des dessins ou autres objets obscènes est passible d'emprisonnement avec travaux forcés pour une durée maximale de 2 ans et une amende maximale de 2 500 000 yens, soit 2 euros. Globalement, de l'ère Meiji à l'après-guerre, on a un renforcement du contrôle des mœurs, ou donc junketsu, politique morale, qui se met en place au Japon, qui connaît néanmoins une certaine accélération dans l'après-guerre. Le régime d'application de cet article 175 prend ses racines dans une jurisprudence de 57 qui voit l'interdiction du livre L'amant de Lady Chatterley ou D.H. Lawrence. Ah. À cette occasion, la Cour suprême définit le terme obscène comme support qui tend à stimuler ou à satisfaire le désir sexuel, et en conséquence, un contenu obscène est tel qu'il provoque chez l'homme des sentiments de honte et de dégoût. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre que la politique américaine puritaine et ses standards moraux sont passés par là. Oui, c'est le premier producteur de porn mondial. Oui, c'est le pays d'origine de la passionnée d'Anaconda, Nicki Minaj et de Miley Cyrus. Oui, c'est ça, oui. Anyway, ou anyway, comme on dit là-bas, l'interprétation qui va être faite de cette attendue de la Cour de cassation inclura à partir de ce moment les poils comme provoquant des sentiments de honte et de dégoût chez l'homme. Pas que, hein. On ne peut s'empêcher de penser que ces bons nippons, suintant le seum de ne pas pouvoir se faire pousser de barbe bien virile, devaient ressentir la honte en voyant ces touffes de poils verdoyantes qu'ils étaient bien incapables d'égaler. Cette censure s'étendait aussi aux poils des aisselles, qui étaient considérés comme impurs, rappelant la déchéance, la vieillesse et la mort. Ça devrait, en tout cas, j'espère bien faire fermer leur mouille au hashtag Armpit Don't Care ou Hairy Pit Club. Ça n'a rien de stylé, rangez vos poils d'aisselle, mesdemoiselles, merci. Oh, dis donc. Non, et oh. Non, ça c'est pas bien. Cette censure du poil s'installant durablement, elle se traduit donc principalement par la fameuse mosaïque qui vient cacher les organes génitaux et les poils dans un premier temps. Mais l'interprétation juridique du caractère impur va évoluer vers la société, avec la société, pour finalement se recentrer sur les fentes des organes, en faisant un cache-misère aussi efficace qu'une pastille sur le téton d'un 95F. Mais bon, la morale à l'américaine est sauve. En 2011, nouveau rebondissement, et pas des moindres, publication de la loi 156 sur la régulation de la vente d'animés et des mangas à caractère violent ou porno, qui réprime tout ce qui touche à la pédophilie ou à l'inceste, et notamment de l'accès des mineurs à ses œuvres. Ceci donna lieu à un formidable tollé des 10 plus grands éditeurs de mangas qui menaçaient de boycotter la fameuse Tokyo International Anime Fair. Car merde, c'est une honte! C'est une atteinte à la liberté d'expression! Nos enfants doivent avoir le droit de voir d'autres enfants se faire fourrer par leur oncle ou par Godzilla, s'ils le désirent! Malheureusement, ils n'ont finalement pas eu gain de cause et ont dû renoncer à leur beau projet, laissant des millions de petits japonais le cœur et non le cul brisé. Chaîne de vie. C'est beau ce que tu dis. C'est beau, c'est la loi autrement. Du coup, voilà, on sait maintenant pourquoi le vagin dans les pornos est pixelisé. Moi, je pensais que c'était une maladie japonaise du vagin pixelisé. C'est une maladie qu'ont les Sims aussi. Apparemment, c'est vrai. Une vraie loi. Eh bien, moi, j'ai un petit point légal. Vas-y, complément. Alors, parce que du coup, ce matin, vu que j'étais quand même accablé par mon travail, j'ai fait des petites recherches. Et je suis tombé sur un petit point légal. Au Japon, si les grands frères souhaitent se marier avec la petite amie de leur petit frère, ces deux derniers ont pour obligation d'accepter. Ah, méditez là-dessus. C'est bon, ça. C'est pas mal, ouais. C'est différent. C'est une autre culture. C'est ça. Ok, mais c'est classe. Donc la censure. La censure, donc voilà, elle prend ses bases dans la législation. Et non pas la tonsure, du coup. Hein. Mais du coup, il y a un réel courant de contre-culture par rapport à ce qui est imposé par l'État. Parlons tentacule. Où on essaye le plus possible de contourner cette fameuse censure. Et c'est là qu'intervient le phénomène passionnant. Le chibre est interdit, mais pas la tentacule. Exactement. Du coup, on passe au dernier axe de cette incroyable fucking kermesse panorama du Japon avec... Bah, tous les trucs sales qu'on a pu trouver sur le Japon, à commencer par les tentacules. Le shokushu. Le shokushu, exactement. Y a pas de jingle? Non. Non, on s'en branle. Ok, bah écoutez, le shokushu, c'est quoi le shokushu? Chokuchou, c'est la représentation. Aujourd'hui, on va préparer un petit chokuchoua. Le chokuchino. Mais ça, c'est un menu dans les restos japonais. Le chokuchou. Ouais. Je voudrais un chokuchou, il n'y a pas de problème. Donc, non, c'est alors c'est la représentation pornographique de femmes se faisant pénétrer. Peut-être des hommes aussi, je ne sais pas. Je n'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. C'est plus rare, mais ça existe. Ça doit exister. De pénétration, en tout cas, par des poulpes. Non. Non. Pas forcément. Ça peut être des monstres aussi, tentaculaires. Ouais, voilà. Ah, ouais, voilà. Des monstres. Par des tentacules. Ok, des par poulpes des tentacules. De l'espace, si vous voulez. Des poulpes, mais c'est pas forcément des poulpes marins. Voilà. Et donc, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que la transition était pas mal. On fait un super conducteur. On est vraiment bravo, une bravo. Émission de génie. C'est parce que le tentacule, en fait, dans les années 80, où cette censure était vachement prégnante, permettait de contourner justement cette censure, puisque la représentation du tentacule n'était évidemment pas interdite, et que du coup c'était vraiment la représentation parfaite de l'organe sexuel, dans le sens où c'était quelque chose, bah voilà, au niveau céphalique. Céphalique, déjà au niveau de la forme, mais en plus c'est ce tentacule élastique, c'est même octophalique, long, infatigable. C'est vraiment la représentation parfaite. C'est nickel. On savait mais très bien après, de quoi on parlait, quoi. Faut aussi savoir que ça existe depuis très longtemps, les tentacules. Alors oui, parce que là, c'est une manière de déjouer la censure, si je ne m'abuse, dans les années 80. Oui, mais ça remonte. Mais ça a des il y a eu des estampes, ramifications. Il y a des estampes très vieilles. On bah, notamment femmes. La fameuse estampe d'Okusai, qui est, je crois, c'est le rêve de la le femme rêve du pêcheur. La femme du pêcheur. Voilà, c'est ça. Qui est une estampe magnifique avec une femme. 1814. Qui... Waouh, le mec Wikipédia. A bossé. On voit une femme se faire c'est la chute de Napoléon, baiser par un poulpe. Voilà. Ouais, voilà. Non, par deux poulpes. Oui, par des tentacules cruels, je crois d'ailleurs. Oh. Non, donc oui, c'est très vieux, mais ça prend en effet une nouvelle dimension, et aujourd'hui, dans les hentai, visiblement, c'est assez prégnant parce que c'est une manière de déjouer la censure. Mmh. Mais à la base, oui, dans les estampes, c'est une sorte de fantasme du marin. Donc c'était ces fameux shunga, donc qui étaient les estampes des gravures sexuelles. C'est des gravures les shunga, c'est pas des estampes, hein. Si, c'est aussi non, des non, bah, et bah, moi je suis pas d'accord. OK. Bah OK. Et ben on ira voir dans un amphithéâtre voilà. Des représentations en tout cas qui correspondent donc à l'ère Edo, si je ne m'abuse. Oui. Où du coup c'est il y avait un vrai ado, libéralisme de l'art et où il se permettait justement de faire des représentations sexuelles qui étaient extrêmement graphiques, où t'avais des organes démesurés, des touffes de poils à n'en plus finir, contrairement à ce qui se fait maintenant. Il y avait la aussi dans les shunga de l'époque de la zoophilie et des dessins impliquant des démons et des anges. Voilà. En même temps, quand ça commence à être avec des poulpes, ça s'appelle de la zoophilie. Voilà. Et donc cette figure du poulpe à la base, bon. C'était artistique. Maintenant c'est pratique. Voilà, c'était les... non, mais c'est vrai, ça a été utilisé du coup pour contourner cette censure, alors qu'à la base c'était un truc purement esthétique, quoi. Et là où c'est chaud, c'est que c'est pas seulement dans les hentai. Il y a aussi des vrais films porno voilà. Filmés avec des vraies caméras. Et là on peut où parler y a de Daikichi Amano. Je ne sais pas ce que c'est. Ça veut dire quoi? Daikichi Amano, bah, c'est justement le cinéaste qui a essayé de reproduire le premier dans les années 80, ces fameuses. Mais avec des anguilles, non? Avec des poulpes et des anguilles. Ouais. Et en fait, les filles vomissaient très souvent à la fin du truc, parce que se faire pénétrer par une anguille, c'est quand même spécial. C'est après, très... du coup, il y a aussi des films porno où il y a des tentacules en plastique, un peu de cheap, qui baissent ça des gens. Ça s'appelle Doctor Who. Oh, c'est Doctor Who avec plus de sexe. Alors ça, c'est intéressant, parce que du coup, il y a eu une reprise du tentacule dans les années 80 pour contourner cette censure. La fameuse reprise du tentacule. Le voilà. Day of the Tentacule. Le cours de la tentacule. Mais, justement, après, t'as eu, justement, le poulpe a été réapprécié comme à l'origine pour son caractère esthétique. Et pour sa bonne chair. Pour sa bonne chair, certes. Et du coup, t'as eu des représentations occidentales en fait de ce poulpe qui sont arrivées. Bah déjà dans Sam Raimi, Evil Dead, je crois. Exactement. Sam Raimi. C'est pas des tentacules d'ailleurs, c'est des. Comment on dit? C'est des plantes. Des lianes. Ou... C'est des lianes, voilà, c'est des lianes. Ouais, mais c'est tentaculaire. Même esthétique, tu retrouves justement ça. Parce que là, on n'est plus du tout dans une question de censure, ils ont retrouvé justement ce caractère esthétique. Mais ce serait intéressant de chercher, parce qu'on l'a pas fait, parce qu'on est des connards, mais si dans l'imaginaire, occidental, on n'a pas des poulpes ou des machins comme ça. Je ne crois pas. Vous avez fait une émission sur le Kraken, excusez les gars. Le Kraken ne baisse pas. Hein. Enfin, si c'était au courant, on n'a jamais dit qu'il mange qu'il des navires. Il essaye de baiser des bateaux. Vous savez. Alors, est-ce que tu sais quand même qu'il y a un film qui est sorti au Japon qui s'appelle The Orgy? Ça a été réalisé l'an dernier. C'est très bon, on ne sait pas du tout de quoi ça parle. Combien, d'après toi, il y avait Scrabble. De participants? Ça s'est vraiment passé, ils l'ont filmé, donc en ont fait un c'est le record du monde d'ailleurs. Mais à moins qu'il y ait des poulpes, ça n'a aucun rapport. Non, mais si on parle de DVD, tu m'as dit de film, donc je reviens sur le film. À moins qu'il y ait des poulpes. Pardon. Vas-y. Alors donne un nombre, parce que c'est pas un chiffre. Combien 900. D'hommes et combien de femmes? 75 000. 900. Non. Il y avait toute l'île en fait. Il y en avait deux... Ils en ont profité pour faire les votes, je crois. C'était l'île de la tentation. Il y en avait 250 de chaque. 250 hommes, 250 femmes. Et ça a été tourné sur le film The Orange. J'ai vu des vidéos en Serbie où il y en avait plus. Mais... Allez, voilà. Bon. Mais voilà. Le poulpe. Non, mais en fait, on tire pas mal de nos informations. Le mec, c'est un peu Monsieur Poulpe. Hein. Dans... Non, non, mais je voulais juste recommander le documentaire d'Arte qui est quand même pas mal et qu'on n'a pas cité. Voilà. Qui s'appelle donc Cachez-moi ce poulpe. Ouais. Que je ne saurais voir, ou juste Cachez-moi ce poulpe. Cachez-moi ce poulpe. Cachez-moi ce poulpe. Vous le trouvez encore actuellement sur internet. Voilà. Et il est vraiment très très bien fait. C'est très court. Vous en avez pour 12-13 minutes et ça fait ouais. vraiment un ce bon sera point. Mieux qu'une FK. Voilà. Voilà. Mais on aurait dû commencer par ça. Mais d'ailleurs, on n'arrête pas de parler d'Arte. Et je trouve que dans nos émissions, en général, on parle d'Arte. Arte a globalement, pas toujours, mais globalement, les mêmes sujets que nous. C'est donc vrai, peut-être on pourrait peut-être se faire embaucher. La FK. À 20h45 oh là là. Sur Arte le dimanche soir. On a le génial. Un souci très allemand. Eh, ce serait tellement non, bien. Tellement cool. La double en allemand. Ah bah la FK sur les nazis, elle arrive direct. Quand ah, ça sera oui. la première. Génial. Alors à part les tentacules, les gars. Les trucs. Ah, c'est j'ai moment, plein de trucs pour vous. Ah, c'est le moment de se lâcher. Alors parce que la question, moi, j'ai plein de finalement, c'est est-ce que les Japonais sont déviants? On a vu qu'avec les tentacules, finalement, ils étaient plutôt malins que déviants. C'est vrai. Moi, je dirais qu'ils sont pas déviants, qu'ils sont seulement différents. Et qu'est-ce qui fait, donc quelles sont des illustrations du coup de cette différence des Japonais? C'est là qu'on ah, peut... Doui veut, va s'illustrer. Alors j'en ai pas beaucoup, hein, mais il y a des choses quand même incroyables. Le quartier de Harajuku, à Tokyo, il pratique le Injured Idol. Ah, je voulais en parler, sur la poupée ah, blessée. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est avec plein de bandages, tu sais, un bandeau sur l'œil, etc. C'est un fantasme comme un autre. Fantasme du bandeau. C'est un sous-genre de fétichisme médical. Ce genre dépeint des jeunes personnes sur un lit d'hôpital qui sont ligotées, frappées, recouvertes de gaz et de contusions simulées. Voilà, viol et bondage. C'est, je suis faible, mais j'en veux quand même, quoi. Voilà. C'est pas le retour de la fistinière qui se, enfin le mec qui se fiste avec un moignon ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu dis? Non, alors non. Ça c'est encore. Arrêtons-nous là. Non, fiste avec un moignon, je l'ai vu ce matin, mais ça ne fait pas vraiment partie du Japon, donc j'ai passé. Par contre, j'ai vu. C'est quand la F4 dans ton commissariat? Alors. J'ai quand même vu d'autres choses avec le corps humain. J'ai vu le eyeball leaking. Ah bah c'est connu ça. Ça a été ouais, mais une... c'est, apparemment ça a été, ça vient du Japon. Ça a été, moi, une, grande, ça a été une grande tendance il y a 2-3 ans. Explique-nous, on t'en prie. Il faut lécher le globe oculaire. Apparemment c'est très excitant finalement de lécher l'œil, mais l'œil des gens. Voilà. Je comprends pas. Bah tu lèches ton globe oculaire. Et bah Stavro va te faire une démonstration immédiatement. Vas-y. Non! Allez! Alors. Non, vas-y, ça vas-y, va pas vas-y, ou quoi? Je fais pas Star, ça. Bro. Vas-y, Star, bro. Vas-y, Star, bro. Star, bro. Oh non. Non, je veux pas, je veux pas. Allez! Non, mais fais-le toi! Bah, je suis non, déçu. Je suis trop loin. Ça m'a rien fait. Bon, j'ai d'autres trucs quand même. Alors, non. avec. Il faut bon, tout tester, on n'a pas fait. On est pas plus ou moins dans le corps humain, hein, parce que bon. Qu'est-ce que c'est le Hashikoki? Allez, toi, tu regardes mon truc, trichour. L'Hashikoki. Un sorte de coq? Non, non, non. Ça a vraiment, c'est un truc. Voilà. Alors dis-nous. C'est la masturbation avec les pieds d'un protagoniste. Le t'es tellement soft. Le mais vous jump, le c'est pas là, non. Mais j'en fais une à Steven sous la table depuis tout à l'heure. Non mais ah, c'est vraiment. C'est toi que je sens. Attends, moi on me l'a déjà fait, ça, c'est rien. Alors après bon, vous avez, bah, j'ai oui. trouvé quand même le fait la porte. Bon là, comme son nom l'indique, ça va assez vite. Par le trou d'une serrure. Pas par le trou. Le fait la porte, c'est donc tu fais c'est fait sous la porte. Tu fais sucer à travers une sur porte. Sur la porte. Non, non. C'est à droite de la porte. Le fait la c'est porte. C'est à gauche de la porte. Non, je ne sais pas. Bah, attends, tu peux pas. Et bah, sur une porte, il y a quoi? Bah, il y a une serrure. Non. C'est... Une poignée. Une tu baisses une poignée. Tu t'enfonces une poignée dans le cul. C'est une poignée de porte. Ah oh, ouais, attendez. Non, mais j'ai tapé. Bon, mais 16, comment Japon, tu sais quand t'as fini? Quand la porte s'ouvre. Quand la porte, quand tu te prends la porte c'est dans la gueule. C'est une technique de serrurier. Moi, ils auront tout inventé. La dernière fois, j'étais bloqué. Il donnait des coups de pied dans la porte. Il lui parlait. Je comprenais pas. Bah voilà. Et puis après, le prochain, il va sucer la poignée. Je vais revenir sur un qu'on a cité tout à l'heure, mais vous connaissez pas forcément le nom. C'est le panchira. Le panchira. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Le panchira. Panchira. P-A-N-C-H-I-R-A. Panchira. Mais je vois pas de quoi on a parlé. Ah, dis-nous, on ne sait pas. On ah, sait pas. Le fétichisme de la petite culotte. Oui, mais ça, c'est pareil. C'est pas c'est le Buruséla, plutôt. Moi, j'ai lu Buruséla, moi aussi. Buruséla. Mais ça, c'est pareil. Le c'est pas spécialement non, mais, japonais. Il monte ses notes comme si ça faisait autorité. Alors, c'est écrit sur mon Mac. C'est les tablettes de Bowie, allez, les gars. je n'écris pas japonais. Alors, tu peux bien te douter que j'ai fait un copier-coller comme un Google. On ne lit pas japonais non plus. Non, mais s'il se base sur Google Trad, le mec, on n'est pas dans la merde. Non mais alors, ça veut dire grippin. C'est un fétichisme de la petite culotte. Alors ça c'est pareil. C'est pas spécifique au Japon, mais au Japon ça prend des tournures assez particulières. Et notre ami Quacos de l'apéro du capitaine ne sera pas sans nous, enfin ne nous contredira pas. Il avait bien pas. Sûr une bonne idée de commerce de culottes sales qu'il n'a jamais pu aboutir. Ce mais qui est maintenant interdit. Ouais, avant c'était super sympa parce qu'ils avaient des distributeurs automatiques de culottes sales. Tu rentrais ta culotte, tu recevais une certaine somme. Et après, tu pouvais, donc pour je sais plus combien. Bien sûr, il y avait des bonus pour les règles ou pour le caca. Enfin voilà. Allez, allez. Je crois que c'est pour 30 euros, tu avais ta petite culotte sale distribuée donc dans tes distributeurs automatiques. Mais je voudrais un paquet de Marlboro aujourd'hui, et une culotte sale. Aujourd'hui, en France aussi, c'est un vrai commerce. Enfin, un vrai commerce, oui. Il y a, oui, ah, ça oui. existe aussi. Et en tu peux France. Trouver sur Twitter des filles qui vendent. Oui, alors reprenons un fil quand même. Moi, à mon avis, le truc le un plus. Un fil de culotte le... Voilà. Le plus spécifique peut-être et. C'est la ah je voulais parler le, de ça le mélange entre la réalité et la fiction non est... mais ouais mais ça fait partie je voulais parler du doujinshi dans le moe en fait. Et bah parle du doujinshi. Le doujinshi c'est des mangas et des animés amateurs du coup en fait oui voilà c'est des mangas surtout des mangas en fait le doujinshi oui. Principalement en fait où t'as des personnages donc de mangas célèbres qui sont donc dessinés par des amateurs dans des positions sexuelles donc tu as non le doujinshi c'est un mot générique pour qui veut dire manga fait par des amateurs après il y a des côtés hentai des côtés pas hentai bah, mais voilà je suis désolé tu tapes doujinshi sur internet tu tombes oui. quand même sur des sites porno hein, oui excuse-moi. Soit non mais je suis d'accord avec toi mais à la base le mot veut pas dire ça ok voilà. Il y a donc, quelqu'un m'a jeté le nom qui m'en a ramené Dragon Ball voilà ah oui bah moi j'en connais un attends ça s'appelait comment c'est le Kame... Kamea Sutra. Kamea Sutra. Ah, Kamea Sutra, pas mal. Donc un doujinshi Dragon Ball très connu où tu as la mère de comment ça s'appelle déjà Bulma. Tu as Bulma qui se fait sodomiser par Goten et Trunks. Et Trunks. Oui, c'est un petit sympathique. Sympathique. Il y a aussi des gosses de 10 ans avec des shibars plus haut que leur tête. Il y a aussi Goku qui va à Jérusalem. C'est Genki Damas. Pourquoi Jérusalem Damas, Genki c'est Damas. Pas. Ah oui, putain. Genki Damas. Très bien, merci. Ok. Non, c'est hyper connu, donc du coup t'en as pour tous les mangas connus, t'en as pour One Piece, t'en as pour Naruto, pour et... Pokémon. Et ouais, mais arrêtez même pour de Pokémon. Taper sur Pokémon, bordel. Mais non, mais Pikachu avec une érection, c'est quand même. On a s'il te plaît, non, voilà. On a tous vu. Tu parles quand même à un mec qui a une peluche Pikachu avec un slip dans son lit. Bizarre, s'il te plaît, ouais. On a tous vu Bulbizarre qui prenait Rosy avec ses tentacules. Bulbizarre, Carapute. Non, mais on a tous vu ces Pokémon, ouais, dans non, des positions étranges. Enfin, voilà, oui, c'est. Et donc. Donc qu'est-ce que ça traduit ça ? Qu'est-ce que ça traduit ? Mais non mais il y a vraiment un imaginaire. Et tu disais tout à l'heure que hentai, tu rappelais la. On n'a pas une vraie traduction en fait de hentai. C'est pervers ou métamorphose. On sait rien. Qui aime voir Pikachu ? Bah, tous les mais lance tous un mecs, sondage. Attends, tous les mecs qui baissent pas, bah ils passent leur vie à regarder des animés. Mais Pokémon. Bah c'est normal. putain, non, c'est pas normal, non! Ah non, mais je soutiens à ça, là, non, je suis pas du tout d'accord. Pokémon, non, tu touches pas, quoi. Non, alors, les Lolicon, mais... ça va. Pokémon, non, non, non. Ah non, je suis pas d'accord. Mais nous, on a bien des vidéos porno avec Jasmine de Disney, enfin. Mais c'est vrai! Voilà! Je comprends pas. On a bien des vidéos porno avec Jasmine de Disney. Ah bah oui, si, je t'enverrai les liens. Oui, non, mais d'accord. C'est un voyage c'est... merveilleux. Ouais, tu veux pas nous mettre la guitare c'est... avec? C'est parce que c'est des femmes pures dans leur manga et qu'on prend plaisir à souiller leur image. Jasmine, elle est pas pure, c'est une pute. Oh, et oh. Oh non, c'est pas vrai, Jasmine, elle est pure. Dans le hentai. Ma mère, elle a failli m'appeler Aladdin, alors tu te calmes. Oh merde. Ah, il l'a dit, attends, il l'a dit en podcast. Oui, oui, oui. Sérieusement, oui, c'est vrai. Oui, mais je vais t'appeler Aladdin pendant toute ma vie. C'est noté merde. Quelque part. Et son sexe s'appelle Abou. je crois que demain, je vais regretter ce podcast. Alors, hashtag Aladdin, bien sûr, pour commenter cette Jackie Carmes. Un petit bout. Non, donc moi ce que je voulais dire sérieusement, c'est que le hentai est toujours. C'est jamais réaliste. En fait, j'ai dit ça il y a une heure. Hein. Oui, mais c'était il y a une heure, les gens ont oublié. Très bien. Et moi aussi, c'était il y a qu'une heure. Non, mais ça fait partie de la perversion, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Non, ça parle aussi de la métamorphose. Et de la métamorphose qui est une. Non, mais voilà, c'est toujours un imaginaire très. Très imaginaire, non, c'est nul. Bah, merci, voilà, bah, c'est bien de répéter ce que je dis sans avoir les mots. Très fantasmé. Merci à ça. Je suis là. D'apporter un peu de culture dans cet épisode. Bah, et en plus, te touche la bite avec mes pieds. T'apportes quoi? Et bah, j'apporte que. Toi, t'as dit oui, voilà, le hentai, ça veut dire métamorphose. Oui, il a dit ça. Voilà. Je confirme. Après, j'ai dit que c'était une transformation du réel. Parce que oui, moi, le hentai, c'est une transformation du réel. Globalement, tout hentai est une transformation du réel et. La majorité de la production sexuelle japonaise que j'ai pu voir était une dans cette idée de métamorphose et de transformation. Moi, j'apporte un truc parce que je généralise ce que tu dis. Voilà. Toi, t'es dans le jugement particulier, je suis dans le jugement universel. Comme dirait Aristote, je t'encule. Je t'enculus de mémoire. Je t'enculos parce que c'est grec. C'est grec. Coulos. Voilà. Coulos. Bon, est-ce qu'on a autre chose sur cette. On a plein de choses sales à raconter quand même. Attendez, les Et gars. Eh ben, vas-y, voilà. C'est on a pas encore parlé du chikan. C'est un vrai problème au Japon. Le chikan, qu'est-ce que ça veut aussi dire pervers? C'est un vrai problème de société au Japon. C'est les gens qui se frottent. Ouais, c'est. Qui tripotent les écolières dans le métro. Frottman. Il y a vraiment maintenant, il y a le des héros qui se frottent. Il y a des il y a des brochures et il y a des panneaux dans le métro pour dire vous frottez pas les gars. Non, mais il y en a même dans le métro parisien, il y a pas besoin d'aller à Tokyo. Ça c'est vrai, c'est pas spécifique au Japon. Ah non, mais, spécifique, c'est que c'est tellement un problème de société que les mecs dans le métro japonais ont réservé des wagons spécifiques pour les femmes où les mecs n'ont pas le droit d'entrer aux heures de pointe pour ne pas se faire tripoter. Ouais. Et ça c'est vraiment spécifique. Ah non, parce qu'en Inde il y a la même chose. Et il y a du coup beaucoup de films porno. C'est semi spécifique, me casse pas les couilles. Beaucoup de porno et de hentai qui se passent dans des métros. Et dans des. Il y a ce jeu japonais absolument ignoble. Replay. Ouais. C'est quoi ça? Alors Replay, c'est une simulation de viol. Hein? C'est super connu. Il faut engrosser des mineurs de 15 ans. Quoi? Dans le train, je crois. Oui. Non, il y a quand même des trucs chelous. Hein. Non, non, elles dorment pas, faut les violer. Non, il y a vraiment. Parce que quand elles dorment, c'est pas un viol. Non, c'est du sexe par surprise. Dans la FK. C'est du sexe par surprise, sinon. Voilà, Julien Assange. Voilà. Du coup, non, ouais, il y a. Mais encore une fois, ils ont tellement. Ils baissent pas dans la vraie vie. Du coup, c'est normal que l'imaginaire soit encore plus décuplé, encore plus sale. Par contre, si tu sens quelqu'un qui se frotte contre toi dans le métro parisien, moi, c'est des robes qui te font les poches. Ce n'est pas quelqu'un qui se frotte. Ok, d'accord. Oui, on va relativiser cette affirmation pas, quand même. C'est du monde de policier, hein. C'est normal. C'est normal. Mais je sens de l'animosité. Mais non. Mais non. Mais on déteste tout le monde, y a pas que toi. Mais écoute, on a un podcast avec essentiellement des étudiants. Un public de Rome. On est des étudiants avec. On invite un flic dans la FK, c'est qu'il faut quand même marquer le coup. Mais tu le savais pas. Ce qui est bien, c'est qu'un quart d'heure avant d'enregistrer, il ne savait pas. Et c'est pour ça que c'est génial, c'est parce que habituellement on se tape dessus, maintenant on parle ensemble autour du boucaquet. Non, mais d'habitude, donc on peut dire que tout ce qui a été dit ici à l'aval de la police nationale française. Ah, non. Eh, ouais. Eh oui. D'ailleurs, il a signé. On peut dire que ce podcast entier est légitime la fucking Kermes aux yeux de la police nationale. On aura est le vraiment logo. Très le logo. Licencié. On aura le logo de la police nationale sur notre blog avec maintenant. Les yeux à la police. Donc alors je vais sortir les menottes. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, du coup, on a parlé des jeux érotiques, les érogués, un peu sales souvent, Replay, etc. On a parlé de Love Plus et du Moe, on a parlé du Chikan, on a parlé du Gokun, hein, on a parlé du. C'est rien, ça, Stavro fait une transition. On a pas. Non, non! Non, non, c'est je vraiment... fais. On a parlé de ça. Non, non, on je s'est fais. Bien abusé. Je fais la liste des sujets mais qu'on a fais la abordé. Liste dans ta tête! Bah, voir s'il y a d'autres choses à. Vous ne parlez pas en même temps, c'est pas bien les blancs en podcast, vous savez? C'est pour ça que Zaza est là d'ailleurs. On alors, a parlé de. Moi je vais juste vous conseiller de. Merde. Ne parler dans le micro. Non mais il y a du Shiva sur mon ordinateur, c'est très dérangeant. Non, mais Jack, c'est très bon pour les composants ça. Merci, merci Clara. L'ange gardien du podcast. C'est vrai que si Clara n'était pas là ce soir, le podcast serait être... différent. Genre on a enregistré chez moi. Avec un Zoom H2. C'est ça. Ça aurait été moins bien. Oui, donc est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que t'as autre chose? Moi je regardais des pornos japonais depuis l'âge de 18 ans. Donc j'ai vu forcément beaucoup de choses. C'était il y a un quart d'heure quoi. Mmh. J'ai vu beaucoup de choses forcément. Mais sortir là comme ça, il y a bien sûr bah non, on a parlé des trucs. Non, dans la sucette, on a parlé des trucs principaux quoi. Je voudrais juste dire que quand on va sur des sites de hentai. Ah, tu veux parler de tous les genres qu'il y a des genres assez spéciaux. J'ai conseillé un site de hentai à Steven Isasa hein, que je connaissais. Voilà, que je connaissais. Je suis même pas allé voir. Il s'appelait myhentai.tv. Je vous le conseille à tous, hein, évidemment. Et du coup, est-ce que tu veux parler des genres que tu peux trouver dessus? Des genres assez étranges. Comme par exemple le genre swordplay, hein, où il y a des batailles d'épée. Ouais. Il y a pas mal de trucs autour des gros nichons, du BDSM, tout ça c'est normal. Gangbang, bah, tout swordplay ça, en anglais, c'est Yuri, ça, c'est quoi quand Yuri? Je t'habite. Yuri, le Yuri, c'est les mangas lesbiens. Voilà. Ah. Yaoi, c'est gay, mais avec les hommes. Mais souvent, Yuri, Yaoi, c'est des histoires de mangas qui peuvent ne pas être sexuelles, juste des histoires d'amour. Traps. C'est des pièges. Alors par contre je rebondis là-dessus, il y a Taifu donc qui est un spécialiste dans les mangas absolument érotiques. Ils font pas que ça mais ils en ont. Des mangas absolument érotiques. Non, justement j'ai lu des mangas des yaoi blue. Donc ce qu'ils appellent les shunenai et finalement j'en ai lu un qui s'appelait putain, le nom m'échappe. Ah putain, c'était Merci ça m'a pas. Ouais. Et enfin je retrouverai le nom, laissez-moi la 5 minutes et c'était très très bien. Il y a des hentai qui sont romancés effectivement. Acid Town, ça y est, ça me revient. Acid Town, je vous le recommande, c'est chez Taifu et voilà, faut pas s'arrêter et à c'est publié ça, je veux c'est dire. Publié, ouais, non, bien sûr. Et il y a bien sûr Steven, tu voulais en parler, je crois, une tendance assez spéciale et assez propre au Japon, l'omorashi. Ah oui, l'omorashi, j'avais oublié ça. C'est pas du tout tendance au Japon, c'est l'ondinisme. Parce que l'ondinisme. Nous, on a l'urophilie, voilà. On aime la pisse, on la boit, c'est on s'en met dessus, etc. Mais l'omorashi, tu fais ce que tu veux, hein. Mais l'omorashi, c'est. Tu veux partager une expérience personnelle? Ça va. C'est dommage. Ça sera pour les bonus. Ah non, mais moi, je veux savoir. Allez, Zaza. Allez, Aladdin. Dis à tonton. Dis à tonton Doubi, qu'est-ce qui s'est passé? Il a déjà révélé Aladdin, c'est déjà trop pour une soirée. Non, je veux savoir. Laissez-le en paix. Nous avons les moyens de vous faire parler. Non, ça s'est tendu. Non, mais ce sera dans un podcast bonus de l'AFK disponible depuis le bouton PayPal du jeu. Exactement. Alors, oui, l'omorashi. Ce qu'il y a de particulier au Japon, c'est que. Et non pas l'omorashide. Par rapport à l'urophilie occidentale. C'était du lâche. C'était très nul. Par rapport à l'urophilie occidentale. J'aime beaucoup le regard pervers que tu as quand tu prononces ces mots. Non, voilà. Il a un regard pervers tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est il faut savoir. L'omorashi, ça, c'est quand même basé, en tout cas dans ce que j'ai pu voir, sur l'envie. L'envie de pisser. L'envie de pisser et. C'est l'excitation face à une vessie pleine. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est voilà. Face à l'urine en elle-même. Non, en fait. Parce que c'est l'excitation face à des femmes ou des hommes qui se retiennent. Et dans beaucoup de hentai, tu peux voir des femmes et des hommes qui se retiennent et qui, jusqu'au dernier moment, qui finissent par tout lâcher d'un coup. Princesse 69, je te le recommande à nouveau. Voilà, et du coup, c'est un truc. Nous, on peut voir des gens qui se pissent dessus, mais ils sont héros, ils font regarde, excellent. Et là, non, c'est je me retiens jusqu'au moment où je ne peux plus, et du coup, un abandon dans l'urine. Donc, c'est pas l'acte de souiller avec la pisse qui est comme dans l'urophilie qui excite, c'est l'acte de. Bah, c'est le relâchement. De rétention. C'est l'anticipation en fait, c'est ça. C'est ce qu'on appelle en anglais, c'est desperate. Quand tu tapes desperate woman, c'est des gonzesses qui se retiennent à mort, qui n'en peuvent plus quoi. Alors quand tu le tapes ou quand tu ne le tapes pas. Non mais à mon avis ça est ivre évidemment. Ça est complètement buté au chilas. À mon avis ça c'est pour faire de la sociologie culturelle à deux balles. Il y a un trait quand même de ce dont on parlait tout à l'heure, le fait de ne pas montrer ses sentiments, de ne pas montrer qu'on prend du plaisir. Là, c'est cette excitation devant quelqu'un qui se retient et qui n'y arrive pas. Voilà, c'est quelque chose que normalement on cache, qui est très caché et qui se voit d'un seul coup. Exactement. Parce qu'il y a des cachet qui excite. Il y a une sorte de je vais lâcher un mot philosophique, de phénoménalisation du phénoménalisation. 12 points au Scrabble, mon compte triple, merci Jean-Mi. De ces sentiments intérieurs qui normalement ne sont pas montrés. Voilà. Mais c'est surtout qu'en plus, là, c'est une position où tu es à la merci de ton corps. Où là, c'est un besoin. Il y a aussi ça. Hein, et aussi souvent dans l'hentai, avant, tu as raison, avant de faire ça, parfois on met des seringues d'eau dans l'anus pour qu'après ça ressorte, etc. Okay. Après, il y a évidemment des petites variantes hein, dans les hentai. Comme les lavements, donc du coup. Voilà. Non, et souvent, vous irez voir, je vous mettrai des liens si vous voulez sur Facebook. Docteur S. Uro. Hein. Souvent, il y a des hentai où en fait, les mecs mettent beaucoup d'eau dans le cul de la meuf et du coup, elle a un gros ventre et ça les excite encore plus du coup. C'est une sorte de ballon de baudruche qui après se vide. C'est pas le fantasme de la grossesse, c'est autre chose ça. Ouais, on n'a pas dit ça aussi. Il y a le lolicon, mais il y a aussi un sous-genre du lolicon, c'est le balloon lolicon. Pardon. Le balloon lolicon. C'est des enfants enceintes. C'est des enfants de 8 ans enceintes effectivement. Non mais là ça part en couille. C'est couche, horrible. C'est t'es sérieux? Oui bien sûr. Mais ça existe en vrai, c'est pas théorique. Non, ça existe en vrai, oui. T'en as vu? Non, ça existe dans les hentai. Oui, ça existe dans les hentai. Balloon lolicon, c'est un vrai truc. Ça doit exister en vrai aussi. Mais après, maintenant, tu peux faire tu peux faire des combos, quoi. Balloon lolicon Goku. Tu peux l'habiller en animal, genre faire une girafe. Non, après, il y a le furry, on l'a évoqué vite fait, c'est toutes les femmes qui ont des oreilles de chat ou des queues de chat, etc. Ah oui, ça, c'est énorme dans la production culturelle. Et ça, c'est la métamorphose ou la transformation. Et il y a vraiment un truc de misophilie, mais pas trop quand même, d'anthropomorphisme des animaux. Voilà, où elles ont des petites oreilles de chat, une queue en plus. Quand on traîne un peu sur 4chan, c'est énorme la production qu'il y a autour de ça. Hein. Autour des furries, oui. Tu vois du coup souvent quelqu'un qui prend une fille en levrette en lui branlant la queue de chat. Bon voilà, c'est très courant. Voilà. Ça est à l'air triste. Là je te sens désespéré. Je suis un peu perdu là. Parce que j'essaye de voir. Tu peux faire jouer un chat en lui branlant la queue? Je pense pas. Il est où? Jarod, viens ici. Je comprends pas. On a un chat dans l'appart. S'il vous plaît. Pardon. Donc voilà. Sasa est complètement ivre. Arrêtez de dire ça. Florian nous confirme qu'il a essayé et que ça n'a pas fonctionné. Très bien. Maintes fois, dit-il. Voilà. Donc, il y a d'autres choses. On a peut-être fait un tour assez exhaustif. Pas exhaustif, mais non, en tout cas, il y a plein d'autres choses assez profond sur la sexualité japonaise. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, des derniers mots, ou pas du tout? Moi, je voudrais juste dire qu'après tout, à part les trucs avec les enfants. Ouais, non, en fait. Alors, je t'interdis de la couper au montage. Je t'interdis. Non, je voulais dire, à part les trucs avec les enfants, c'est peut-être pas si choquant que ça. Mais voilà, à part les trucs avec les enfants. Ils ont juste un imaginaire plus assumé. Oui, ouais, voilà, plus assumé. Ça reste de l'imaginaire, en fait. Ça reste de l'imaginaire. Exactement. Et c'est juste qu'ils le mettent plus en avant que nous, en fait. Ouais, alors moi, je voudrais juste préciser un truc que j'entends, enfin, que j'ai lu pas mal de fois sur des forums et des machins comme ça, qui disaient que justement le lolicon et les représentations pédopornographiques au Japon avaient sauvé les enfants, puisque. Ouais, qu'il y a des études d'Harvard qui ont été publiées qui montrent que l'apparition de la production de lolicon a fait baisser, en fait, la criminalité pédophile. Le problème, c'est que le lien de causalité n'est absolument pas prouvé. Et concomitance ne vaut pas corrélation. Exactement. N'est-ce pas? Ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que il y a aussi, en même temps, dans toute cette période, une baisse de la sexualité générale. Et du coup, associer la production pédopornographique à la baisse de la pédophilie en acte n'est peut-être pas des plus intelligents. Je dis pas que ça ne contribue pas, machin, mais je dis que c'est pas si évident que ça. Et que j'ai pas lu, du coup j'ai cherché, les études, je les ai pas trouvées sérieuses parce que le lien de causalité n'est jamais prouvé, si ce n'est présumé. Et c'est lié à le fait d'assumer ce côté pervers de ce que tu disais, Stavro, juste avant. C'est que du coup, à partir du moment où t'acceptes la saleté de ces pulsions, et donc les mecs sont beaucoup plus en phase avec la nature profondément sale de l'homme, quoi, et de ces perversions qui peuvent aller extrêmement loin. Et à partir du moment où ces mecs-là l'acceptent, en fait, du coup, ça assainit, tu vois, c'est une façon de purger les passions, et c'est juste que nous, on a tendance à les foutre sous le tapis, à ne pas les accepter, mais voilà, il y a des mecs qui ont ces tendances-là, et ça existe, et à partir du moment où tu les acceptes, et tu crées un espace où c'est presque... l'interdit, quoi. Tu brises l'interdit, mais surtout, tu crées un espace où ces mecs peuvent... Exactement, c'est cathartique, où ces mecs peuvent s'exprimer. Mais vous me dépassez, les mecs, là, il y a trop de mots que je comprends pas. La catharsis, la purgation des passions. Voilà. En tout cas, on peut aussi dire qu'il y a une causalité qu'on a essayé de montrer en podcast, c'est vu que ça baisse pas au Japon, forcément ça a un image, et que le sexe et la sexualité sont pas dissociés, merci. Forcément, l'imaginaire va beaucoup plus loin, c'est assez logique. Oui, parce que t'es pas contraint par tes normes sociales du couple et de l'image. À partir du moment où tu dissocies complètement les deux, tu peux assumer à fond ton fantasme. Moi, je vois tout à fait ce que veut dire Stavro. Voilà. Oui, pourquoi pas. Bon, les mecs, il est 23h10, je ne comprends absolument plus rien de ce qui sort de votre bouche. C'est pas grave, on ce a podcast bien se termine et il va se terminer en beauté avec une petite vie Patrick concoctée par Steven. As-tu le temps de la finir, la vie Patrick? Alors, je l'ai pas fini, mais je l'ai avancé. That's what she said. Ewa! Vive le Japon et toutes leurs coutumes. Les Japonais, ils meurent quoi devant le PC avec des vibromassés. Vibromassés! Mon cher Patrick, après une agréable période de vacances, tu décides de changer de vie. Mais que faire? En voilà une question problématique. Heureusement qu'une écoute assidue de l'AFK te donnait quelques pistes. Aller chercher le Yeti, peine perdue. Se lancer dans un roman de fantasy, temps perdu. Devenir superstar agent du diable, déjà fait. Alors oui, je fais ma chronique en remontant le fil des AFK diffusés. Ça coûte pas cher. Voilà. Tu viens d'apprendre que vivre au Japon, ce n'est pas forcément si cool que tu pouvais le penser. Oh, moi, je trouve ça plutôt cool. Alors que faire? Une idée te vient enfin. Que font ces connards qui brisent mes rêves? L'un d'entre eux tente plus ou moins d'être juriste en Turquie. Non, en Tunisie. Et cela c'est la même merde. Aussi fastidieux. Il y a des tagines, c'est pareil. Te voilà arrivé à la lumière. Deux d'entre eux font de la philosophie. À première vue, la philosophie semble fastidieuse à son tour. À tous les coups, il va falloir lire des livres tels que La critique de la raison pure, le Tractatus Logico-Philosophicus, et parler de l'amphibologie des concepts de la réflexion ou de la volonté de puissance. Mais, à bien y penser, te lancer dans la philosophie peut avoir un certain avantage. Tu vas enfin te sentir autorisé à prendre les gens de tellement haut que tu ne les verras même plus. Et surtout, la philosophie va t'aider à comprendre une blague bien complexe commise par Stavro durant la FK12. Écoutez, que j'ai toujours pas compris. Magneto. Bonjour tout le monde, bonjour la France, bonjour, bonjour Paris. C'est la fucking kermesse numéro 12, les putains de un an, négro. C'est la fête, on aurait aussi pu s'appeler le salon de l'autotélisme, mais on aurait dû inviter Dominique, et comme on le sait, un podcast ça se fait sans chapate. Sans chapate. Je n'ai toujours pas compris cette blague. Eh bien, il passe. Et toujours pas aujourd'hui. Et voilà, ça, ça. Alors, cette blague, mon cher Jacha, mon cher Aladdin, je vais tenter de te l'expliquer. De te l'expliquer avec mes connaissances pointues de la philosophie aristotélicienne et ma connaissance de la pop culture française. À partir de maintenant, sache que je suis en freestyle, car Dewey termine son rôle plateau et ça va bientôt être à moi. Et c'était vrai. Alors maintenant, je suis en freestyle. Première difficulté de cette blague. La comprendre avec l'élocution étrange de Stavro. Eh oui. Il est tellement gros qu'il mange ses mots. Sans chapate. Sans chapate. Bon, j'ai pas compris. Après un travail d'archéologie assez complexe, je vais te l'exhumer. On aurait pu s'appeler le salon de l'autotélisme. L'autotélisme. Mais on aurait dû inviter Dominique. Et comme chacun le sait, Dominique, un podcast, ça se fait sans chapate. Sans chapate. Voilà. Alors, Dominique Chapate, tu en bouts. Voilà. Dominique, déjà, Dewey, bravo. Dewey a trouvé une des références, qui est Dominique Chapatte et Turbo. Donc Dominique, c'est quoi Chapatte, Turbo? Turbo, c'est une émission qui passait le dimanche matin sur M6. Qui passe toujours. Et qui était ta-na-na-na. Voilà, c'était une de voiture. Voilà. Alors, bien. D'où on commence à comprendre quelque chose autour du salon de l'autotélisme. On comprend qu'il y a un petit jeu de mots avec le salon de l'automobile. Auto, turbo. Mais non, mais humour. Le salon de l'auto. Oui. Voilà. Turbo. Oui. C'est quoi ce télisme à la fin? Alors, qu'est-ce que le télisme? L'autotélisme. Ou le télisme. Alors, l'autotélisme est un concept aristotélicien. Et parce que moi, je fais des blagues pointues. Aristote. Patrick, il se fait chier. Aristote est un philosophe de l'Antiquité qui a, parmi bien d'autres choses, théorisé le concept. L'enculade des enfants. Bah, il se faisait enculer par Platon. Oui, bon. C'est vrai. Chacun, c'est pas vrai. J'ai raison ou j'ai pas raison? Chacun sa vie. Voilà. Chacun son vie. Alors, l'autotélisme, ça veut dire. Ça vient du grec auto qui veut dire soi-même. Et télos. Et télos qui veut dire. Fela. Non. Non, pas fellation. Qui Pardon. Veut dire la fin. C'est-à-dire c'est être à soi-même. Se finir soi-même. On est d'accord. Ça veut dire être à soi-même sa propre fin. Par exemple, le plaisir, dans l'éthique à Nicomaque, livre 10, est tototélique. Puisque le plaisir est à lui-même sa propre fin. Y a pas, c'est pas un moyen. Patrick se suicide dans la prochaine BP. Non mais ça c'était l'aspect philosophique que Patrick va apprendre en faisant une licence de philosophie. Ensuite, Dewey a noté Turbo. Donc si on avait fait un salon de l'autotélisme. Alors pourquoi l'autotélisme? Parce que c'était la fucking kermesse numéro 12. Et qu'on parlait des 1 an, donc une rétrospective de nos FK. Voilà. Donc il y avait une blague, on était autotéique. Voilà, on était à nous-mêmes notre propre fin. Et c'est là, j'ai compris. Enfin, moi, t'as remarqué que j'ai la référence pour Turbo, donc une émission de télé pour beauf, machin. T'as, là, vous parlez de choses philosophiques. Je comprends. Ah non, comprends, mais t'inquiète pas, les deux ils parlent ensemble. Faut hocher la tête à intervalles réguliers. Attends, oui. Alex porte un Marcel, donc bon. Avec un air bovin. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est mon rôle dans la vie. Non, mais la première référence philosophique, comment dire, éclaircie. Il y a eu la référence à Turbo qu'on a déjà mentionné. Et la dernière référence, ça, est-ce que tu l'as? Sans chapate, sans chapate. Les trois frères. Les trois frères. Allez. Sans patate, sans patate. Et là on voit le boucaquet culturel qu'est la fucking kermesse. Et surtout l'esprit de Stavro. Magico. L'esprit de Stavro est une sorte de gouffre interminable entre Aristote, les trois frères et Dominique Chapatte. Voilà, c'est vrai. Ça résume bien les trois pôles de mon esprit. Mais d'un autre côté, t'arrives quand même à boucler la boucle. Parce que du coup dans les trois frères tu vois des gamins à poil, donc c'est bon. Ah, on retombe toujours sur nos pénis enfants. J'avais pas prévu ça du tout. Donc voilà, mon cher Patrick. Merci, Dewey. Une licence de philosophie couplée à une enfance désespérée devant la télévision peut te permettre de comprendre la majorité des blagues de Stavro qui sont de même inaccessibles. Devenir Stavroguine. Devenir Stavroguine, je pense qu'il faudra prendre d'autres choses. Du poids notamment. Je te bénis dans le sein doux. Voilà, mon cher Patrick. Alors on avait normalement cette vie Patrick était faite par Alexis qui n'est pas là. Donc la prochaine chacal. Fois. Chacal. La prochaine fois d'ailleurs la prochaine fois qu'est-ce qui se passe avant? La prochaine fucking kermesse la numéro 17 sera en présence d'une sommité du podcast français, à la personne de Captain Web. Ça sera sûrement de la merde comme les deux dernières. Hein. Ce sera sûrement moins de problèmes techniques aussi. Et du coup on parlera du coup avec le Captain des survivalistes. Ah bah oui. Une émission qu'on avait déjà plus ou moins tentée. Et bah oui, c'était la fameuse FK6 qui est perdue dans les limbes. Parfois encore les gens disent y a un problème sur iTunes, y a pas le numéro 6. Et bien c'est normal, petit auditeur, elle est disparue. Non, c'est pas normal en fait. Normalement, on n'aurait pas dû la mettre. Mais nous, on a considéré que l'intégrer dans le fil de nos émissions nous permettait d'avoir plus d'émissions et du coup et de participer à la légende. D'ailleurs, voilà. Dans 2 FK, ce sera le numéro 37. La légende de la FK. C'est ça. Donc, mais on va la briser là. Zassa, on te remercie d'être venu. Tu repars vers les contrées chatoyantes et chaudes du Sahara. Mais la prochaine fois que je reviens, c'est pour de bon. Voilà. Ah. Ça sera dans la SK 20-21 par là. Je suis en demande de visa, tout va bien. Doui, merci beaucoup d'être venu. J'espère merci à vous, Doui. Merci pour l'invitation. Pour toi. Doui qui va accompagner Zassa à la frontière. On est pressé, il y a un charter. Et Doui qu'on retrouve du coup dans son podcast solo, parce que Yata c'est fini puis quelques Blu-ray, mais vous pouvez toujours écouter si vous aimez le Japon et le cul et les mangas. Yata c'est pour vous. Ouais. C'est fini, mais il y a encore sur iTunes. Et maintenant Doui, ton nouveau podcast c'est quoi? C'est Léo Parleur. Et ça parle de quoi? Eh ben, ça parle de tout. En fait, tout ce que je consomme comme pop culture, comme voilà, musique, séries télé, jeux vidéo, blablabla. Donc la vie de ce cher Doui vous sera contée à travers le moyen balado-diffusateur dans Léo Parleur. Le balado-diffusateur disponible sur PodCloud et sur iTunes. Ouais, ouais. Voilà, sinon, leoparleur.fr, L-E-O-P-R-L-U-R. Voilà. Et sur Doui, c'est quoi ton Twitter? Douiyata. Douiyata, voilà. Douiyata. Eh bien, merci à tous. Merci Clara, merci Florian d'avoir été en public. Merci beaucoup. Ouais, patient. Et merci Clara pour les gougères. Et merci Clara pour les gougères. Les gougères. Et on se dit à dans un mois et que. Enfin bref, on se dit à bientôt parce qu'on sait pas. Et on se quitte. Attendez, on se quitte. Je suis con. Le rap, bordel. On se quitte en musique. Une fois n'est pas coutume, avec un petit rap d'MC Cicéron, mon alter ego rapologique. Et rappelle qui est MC Cicéron quand même. Bah, c'est moi. Qui fait du rap. Et du coup là je vous ai livré un petit texte pas piqué des vers sur le sexe au Japon. Sur une petite instru quand même, on cite pas les copains. On cite pas le Francis Cabret de la FK. Voilà. Zassa. Batarva. Le Aladdin de la guitare. Ta gueule. Qui oui a fait une très belle instru à la guitare, bravo à lui. Bientôt il sort un album solo qui s'appellera J'adore le bleu. Ah c'est original. Allez. Ah c'est très bien, merci. Je crois qu'il est temps de vous dire. Il s'appellera Dans les ruelles d'Agrabah. Au revoir et à bientôt. Ah salut. Bye. Ok. C'est le rap japonais. C'est pas crédible. C'est pas grave, on est bien. Tous ensemble. Ok, j'ai raté le début. On va partir maintenant tous ensemble. Vous avez rien vu. C'est de l'impro, c'est génial. Bonsoir. Le pays du soleil levant, c'est un peu comme l'île aux enfants dès que t'as 13 ans. Tout le monde veut te rentrer dedans, c'est comme une rame de métro Tokyo Heat. Si ça rentre pas, faut pousser avec ta bite. Ouais mec, à Shibuya, même les petits bouillaves, les mecs s'habillent comme Sakura pendant que les vieux bavent devant les boucaquets de bambins. Sûr que ça se la donne. Dommage pour toi, Emile, dans Lyon, on ne vend pas de lolicon. Tout le monde parle du Sofitel, mais eux, ils ont des Love Hotel. Ils se déguisent en Hello Kitty avant de tremper leur sushi. Là-bas, tout le monde marche à la baguette et personne ne recule. Sinon, comment veux-tu qu'on tentacule? En fait, le Japon, c'est un peu l'île de la tentation. Buffet à volonté, y'a plus de Sailor Moon qu'à Léon. Si toi aussi t'aimes quand ça sent le Goku, ne ramène tes boules du dragon, mon garçon. Là-bas y'a des Fatal Fury et aussi des Futanari. Y'a même des ballons de Lolita, mais ça compte pas, c'est des mangas. Ce serait des magots de dire que ça choque le prolo, sachant qu'on passe tous nos journées devant leur putain de porno. Voilà. Oh, ça suffit, hein. C'était très bien.